Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Salut à tous les deux. Alors, on se retrouve encore une fois en janvier, on est encore en janvier donc il faut souhaiter la bonne année, ça on avait dit qu'on le ferait. Donc on bonne année. Voilà. Bonne année. Ça c'est fait. Si vous n'étiez pas là au précédent épisode, même si c'est peu probable parce que vous avez été très nombreux à nous écouter pour cet épisode sur The Last of Us, alors on se doutait bien que ça allait bien fonctionner, mais voilà, on est très agréablement surpris en fait par le nombre de personnes qui ont pu écouter le podcast. Et merci à toutes les personnes qui mettent des notes du coup, puisque là sur iTunes, on a dépassé la 40 ou 50aine déjà de notations, avec des commentaires vraiment cool. Il y a pas mal de gens qui utilisent YouTube encore pour nous faire des retours, parce que même s'il n'y a plus beaucoup de vues sur YouTube maintenant, les gens ils utilisent ça. On est en train de réfléchir à un moyen de vous proposer un endroit, alors est-ce que ce sera un Discord ou quoi, pour pouvoir... nous faire des retours plus directement et pouvoir échanger avec vous. Mais vous êtes vraiment de plus en plus nombreux là. The Last of Us, en quelques jours, il a fait plus que God of War et ce qui avait déjà fait des milliers d'écoutes en une quinzaine de jours. Donc on est vraiment surpris. Et on espère que ça va continuer à vous plaire. On va continuer à trouver des jeux. Alors aujourd'hui, là, on a fait vraiment une espèce de 180 degrés entre The Last of Us et Inside. Mais en tout cas, on va continuer à essayer de trouver des jeux et puis d'en extraire la substance. Exactement. Alors juste, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit parce que finalement, ça nous semble hyper évident. Mais c'est parler de Fin du Game autour de vous, tout simplement. Faire découvrir l'émission aux gens que vous connaissez. Ça, c'est hyper important, le bouche à oreille pour ce genre de production. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas parce que ça nous semble vraiment... ça tombe sous le sens. Mais voilà, c'est très important aussi si vous pouvez le faire sur les réseaux, dans la IRL comme on dit. Hein. Un jour, on va avoir des codes partenaires, genre tu sais, comme chez Orange, genre quand tu parraines quelqu'un à la fin du game, tu as 5% sur ta facture suivante. On fera ça, on fera des trucs de parrainage voilà. Fin du game. Ah, c'est pas mal, on a tout le business model qui est en train de se créer là. Très bien, donc aujourd'hui, vous le savez, on va parler d'Inside, c'est Fin du Game et c'est parti. Donc effectivement, on disait la dernière fois, on parlait de The Last of Us, qui est une très grosse production, gros studio, il y a Sony derrière, donc c'est grosse machine. Jeu aussi dans lequel en tout cas l'écriture a une grosse importance, c'est tout ce qu'on a un peu raconté sur l'écriture des personnages, des dialogues. Là, Inside, c'est effectivement un détour à 180 degrés parce que c'est un jeu... où il n'y a pas un seul mot. Je crois que les seuls mots qui sont affichés, c'est Play Dead et Inside au début du jeu. Je crois que c'est à peu près tout. Et puis après, il y a les crédits. Voilà. C'est voilà. Vraiment. Gros, c'est, ouais, il n'y a rien d'autre. Il y a peut-être un ou deux chiffres qui se baladent. Oui, on va dire, chiffres, voilà, et ils ont gardé cette façon de présenter les choses. Mais c'est un jeu très court aussi. 2 heures et demie pour le finir. Donc voilà, on est vraiment à l'opposé. Et comme d'habitude, on va recontextualiser un petit peu la chose. Donc Inside, c'est un jeu qui est développé par Play Dead, qui est un studio danois, qui nous avait déjà délivré Limbo en 2010. Jeu très important quand même parce qu'il fait partie un petit peu de cette première vague de jeux indépendants avec Braid, Fez, enfin bref, vous les connaissez, je vais pas vous refaire l'historique, mais c'est vrai qu'à l'époque ça avait été un gros carton commercial certainement, mais critique aussi. Il avait reçu, c'est le Universal Acclaim, hein, comme on dit sur Metacritic. Alors, j'ai pas vérifié la note Metacritic ouais, pour la une connais fois. Non, moi non plus. Je peux faire on va envoyer Max, le fact-checker. Exactement. Qui va vérifier ça pendant qu'on. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il avait été extrêmement bien reçu. Ça avait été vu un peu comme un chef-d'œuvre, alors que c'était le premier jeu du studio. Le studio qui avait été fondé en 2006. Donc par Arnt Jensen et Dino Patti. Donc Arnt Jensen, c'est quelqu'un qui bossait chez IO Interactive, donc les personnes qui ont fait Hitman, le studio derrière ouais. Hitman, et en 2006 il s'est lancé en indé et il a rejoint ce mec là donc qui s'appelle Dino Patti, qui lui est producteur, donc il y a vraiment un creative director, c'est Arnt Jensen, et Dino Patti le producteur. Pour la partie business, com, etc, etc. Exactement, parce que c'est vrai qu'à cette époque là en 2006 se lancer en indé c'était au tout début quoi, c'était vraiment en tout cas de ce qu'on connaît aujourd'hui, se lancer dans un studio comme ça, cette démarche là de s'éloigner du mainstream et de proposer quelque chose de plus personnel, c'était voilà, c'était un peu les prémices, quoi. C'était les ouais, c'est ça, studios. C'était les pionniers. Hein. Après, aujourd'hui, c'est un schéma qui est classique de voir des gens quitter l'industrie pour pouvoir monter leur propre studio. Mais à l'époque, c'était vraiment très atypique, surtout pour le choix qu'ils ont fait derrière, puisque Limbo, c'était un jeu très minimaliste où on déplace un gamin à travers tout un tas de niveaux, le tout en noir et blanc. Et donc, c'était complètement à l'opposé de ce qu'on avait l'habitude de voir, mais c'est aussi ce qui explique le choc que ça a provoqué un petit peu. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, ça fait partie voilà, de cette première vague d'indés qui ont légitimé le jeu vidéo, qui ont entamé toute cette énorme... on va dire, tendance qu'on constate là depuis une quinzaine d'années de le jeu vidéo est un produit culturel, est un art qui s'assume, etc. etc. Et c'est vrai que ça fait partie de ces quelques jeux qui ont lancé le mouvement. Et donc Limbo, qui, alors version PC, j'ai vu, c'était 88 sur Metacritic, donc pas mal, très propre. Hein. Ce qui est bien, c'est mais pas top. Ouais. Mais gros succès commercial, comme tu disais, et clairement, ça leur a permis de financer Inside, qui a mis 5 ans, il me semble, à être. Ouais, ça a été 5 ans de développement, effectivement, avec pour Inside. Quasiment 40 personnes. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'ils étaient 8 sur Limbo, donc c'était quand même une toute petite équipe. Et là, en fait, avec tout l'argent qu'ils ont pu récolter, vous voyez, dans fin du game, il est toujours question d'argent, au final. Hein. C'est bien le problème. Bah, Limbo, mais en même temps, c'est sorti sur tous les supports qui existent. Hein. C'est vraiment Limbo, vous pouvez y jouer sur votre machine à laver, en ouvrant votre frigo, enfin vraiment dans votre voiture, c'est partout. Il n'y a pas un endroit où Limbo n'est pas sorti. C'est le Skyrim des Indés, un petit peu. C'est un peu le Skyrim des Indés. Ah, les comparaisons foireuses. Mais non, mais en plus, ça marche. Et ça a tellement bien marché que je ne sais plus combien c'est de millions de ventes, mais en tout cas, le studio, ouais, ils étaient peinards pour se dire financer 40 personnes, enfin une trentaine de salaires, parce qu'ils étaient une trentaine en interne, pendant 5 ans. Mm. Ça va, ils sont mis bien. Surtout à Copenhagen, in Denmark, hein, où la vie est bien bien chère pour y avoir vécu 6 mois. Vous douillez pour payer une bouteille de coca, c'est 4,50€. Donc autant vous dire. T'as les reportages de Hugo. Non, j'ai tellement souffert pendant 6 mois que vraiment mon compte il pleure. Bref. Et donc, ouais, c'est un jeu d'ailleurs qui a mis 5 ans à se faire. C'est un jeu qui est très court, mais en fait, il y a un niveau de polish et de perfectionnisme en fait qui a été mis dans ce jeu, et on va y revenir de toute façon tout au long de l'émission. Mais jeu qui est sorti, qui lui aussi a connu un succès commercial et critique, et qui finalement, rétrospectivement, a fait passer un peu Limbo pour un brouillon. Alors je crois que c'est Christophe Butlet de JV Le Mag qui avait mis ça dans sa critique, et je trouve que c'était vraiment assez juste en fait cette manière de présenter Limbo par rapport à Inside, parce que il en reprend pas mal d'éléments, mais tout est plus abouti en fait, c'est-à-dire que la direction artistique, le propos, la façon dont les mécaniques sont menées et intégrées à la narration, tout va un peu plus loin. Et c'est vrai que du coup, moi je me souviens, moi je sais pas si vous avez fait Limbo quand il était sorti, mais moi je l'ai découvert après Inside, parce que j'ai tellement aimé Inside que j'avais envie de m'intéresser, et c'est vrai que ça fait vraiment brouillon en fait. Ouais. Bah je l'avais fait à l'époque moi, et bon, j'ai un peu vite lâché parce que j'étais un peu ça m'est un peu passé au travers. Ça fait partie de ces jeux que j'ai pas forcément compris parce que je trouvais la difficulté vraiment injuste. Ouais. Et bon, la difficulté dans les jeux vidéo, je vais pas vous la faire, mais c'est un peu d'un de mes violons dingres depuis une dizaine d'années, et c'est vrai que du coup moi ça m'était un peu passé au travers, mais c'est vrai qu'en voyant Inside, bah, j'ai fait ces 2h30 là, et je pense que je pourrais presque te décrire l'état de la poussière sur mon bureau à ce moment-là, parce que j'ai été bluffé par ce jeu. Moi, j'ai été vraiment soufflé quoi, par tout ce qu'ils ont réussi à faire, et ça va. Enfin, vraiment, c'est voilà, le jeu, c'est vraiment l'accomplissement, l'aboutissement de ce qu'aurait pu être Limbo. Donc, c'est vrai qu'en plus, on retrouve tout un tas de mécaniques, on reste sur un jeu en 2D, on reste sur des jeux où il y a des pièges qui te tuent en un coup, on reste sur un truc très suggestif où il y a très peu de narration. Et donc du coup bah là ils sont juste allés au bout de leur idée quoi. Ouais, exactement. Inside qui du coup sur PC a fait 87 sur Metacritic. Ah ouais, d'accord. Mais sur PS4 c'est 91. Ah ouais. Donc ça dépend des plateformes. On ne sait pas. Très bien. Ok. C'est marrant qu'il y ait des différences comme ça d'une plateforme. Oui, c'est. Metacritic ne serait pas un système fiable d'évaluation des jeux. Incroyable, on en parle. C'est parce que c'est la PC Master Race, ils sont plus exigeants, c'est pour ça, Maxime. Enfin, ça n'importe quoi. Ça. Ok, on va peut-être résumer brièvement l'histoire. Alors, c'est pas un exercice facile parce qu'il n'y a pas de personnages, de dialogue et compagnie. Ça va être plus compliqué que les jeux dont on a pu parler jusqu'ici. Mais c'est Exerce qui va s'y coller, donc ça me va très bien. On a envoyé notre meilleur homme. sur le front. Non mais c'est vrai que paradoxalement, comme c'est un jeu où tout passe dans le narrative design, dans la narration environnementale, etc., c'est un peu compliqué de raconter l'histoire. Donc du coup, bah moi j'ai divisé ça en tableaux, puisque bon, le principe c'est que Inside, on découvre au tout début un petit bonhomme, un petit garçon avec un petit t-shirt rouge qui tombe dans une forêt, et tout de suite on est dans une logique de fuite. On va toujours aller vers la droite de l'écran, ça c'est, on en a déjà parlé, ça fait partie des conventions. Et très rapidement, on va découvrir qu'on est en pleine nuit, c'est une forêt, on va commencer à avoir des lumières, des torches, etc., qui essayent de nous éclairer, et on va vite comprendre qu'en fait on est poursuivi. Il y a des types armés qui veulent nous tirer dessus, ils ont des chiens, on voit des gens qui sont enfermés dans des fourgons façon FBI quand ils découvrent tes recherches Pornhub, etc. Et je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Et donc petit à petit, en fait, le gamin va réussir à s'enfuir, il va en fait arriver à une espèce de ferme, Et de là, en fait, ça va commencer à dériver vers quelque chose de très étrange, puisqu'il va croiser un cochon qui est contrôlé par une espèce de petit ver de terre, hein, qui va être un petit écho à ce qu'on avait déjà vu dans Limbo. Il va tomber sur des petits poussins qui vont le prendre pour une espèce de divinité et qui vont le suivre partout en mode Pikmin, c'est assez rigolo. Ouais. Et donc, toujours au fur et à mesure, il y a des petits puzzles, des caisses à pousser, etc. Après cette ferme, il arrive dans une usine où, en fait, il va croiser des tonnes et des tonnes d'humains. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez du trailer, moi j'ai re-regardé leur trailer, il était extrêmement puissant à ce niveau-là, où c'est juste les bruits de pas, façon pas militaire, tu vois, marche militaire comme au début de la musique de Command & Conquer. Et en fait, c'est des gens qui marchent en façon drone, tu vois, des pantins sans âme, sans rien. Il va se retrouver au milieu de ces gens-là, il va être obligé de les imiter. Alors c'est tout un passage de gameplay où il se fait passer pour un pantin. La fuite continue, il va arriver dans de la flotte, il va tomber sur une espèce de créature qui respire sous l'eau. C'est un moment un peu horreur du jeu, parce qu'il a volé un petit submersible rigolo là, qui lui permet de casser des murs et tout, et là, pouf, il y a une sirène qui essaye de le défoncer. Après ça, qu'est-ce qui lui arrive encore, parce que c'est compliqué, hein. C'est vrai que tu vois, c'est des tableaux les uns après les autres. Ah, il s'en passe des choses. Il arrive encore, il y a encore un coup avec les marionnettes, et c'est là où il tombe sur le casque, le fameux casque qui va lui permettre de contrôler les pantins. Et donc du coup, grâce aux marionnettes qu'il va contrôler, parce qu'ils reproduisent exactement les mouvements en même temps que lui, il va continuer de progresser, hein, parce qu'on sait toujours pas pourquoi on est là, ni pourquoi ce qu'on fait, ni où on va aller, etc., etc. Il retombe une dernière fois sur la petite sirène qui cette fois-ci, c'est rigolo ça, cette fois-ci va le choper et va en fait le tuer. Alors on a l'impression que le jeu s'arrête, mais en réalité il le renaît, tu vois, t'as toute une séquence bon là niveau évocation c'est très très clair, hein. Il a un tube qui lui sort du bidou et hop, oui, c'est vraiment la renaissance, et là boum il respire sous l'eau, façon fœtus qui respirerait sous l'eau, etc. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, il arrive finalement dans une espèce de labo étrange où là les scientifiques n'essayent plus de le tuer parce qu'ils sont omnubilés par un truc qui se passe dans une énorme salle sphérique. Nous on voit jamais ce qui se passe à l'intérieur, on le découvre un peu plus tard. Il y a une sorte de blob, je sais pas, est-ce qu'on a décidé entre nous le terme qu'on allait utiliser. Je crois que c'est le blob, ils appellent ça un blob. Ouais, c'est le blob, ouais. C'est un amas de chair qui est constitué, vous imaginez si vous téléportez une quinzaine de personnes exactement à la même coordonnée, ça va donner un truc pas très cool. Mais là ils sont encore en vie et le gamin il va même carrément aller à l'intérieur les contrôler, et donc du coup bah il va avoir la force d'une douzaine, d'une quinzaine de personnes, et c'est le climax de l'aventure. En gros, grâce à cette nouvelle puissance, le jeu il s'accélère d'un coup au niveau du rythme, il va s'enfuir, il va détruire des murs, il va rouler sur des militaires, il va tuer des scientifiques, et on a l'impression que les scientifiques veulent se débarrasser de nous, hein, parce qu'ils nous filent un petit peu des coups de main pour qu'on puisse se barrer, parce qu'ils ont l'air horrifiés par ce qui se passe. C'est peut-être pas le cas. Et à la toute fin, enfin, on arrive à traverser un dernier mur et pouf, on se retrouve à nouveau dans la forêt. Donc, petit rappel avec ce qui s'était passé au début du jeu. On dévale une espèce de colline et on arrive sur une petite plage. Voilà, y a et là, petit, ça s'arrête. Le soleil éclaire le rayon de lumière, voilà, qui daube au bord de la plage. Ah, parce qu'il a perdu 15 membres. Et il y a un côté extrêmement... Voilà, ça se termine comme ça. Et c'est fini. Et c'est fini. Mais voilà. Sommes-nous vraiment dehors? Tant. Exactement. Donc, voilà, ça, c'est le résumé vraiment à l'essence, très très rapide du jeu, si vous l'avez fait de toute façon, puisque on vous le rappelle. À la fin de l'émission, ah oui, en fait on spoil. Non mais c'est bon, maintenant normalement les gens ils ont compris le principe de l'émission, principe de fin du game. Surtout Inside où il y a une fin quand même qui est très, quand tu fais Inside tu racontes pas la fin d'Inside parce que le moment blob c'est un moment hyper fort du jeu, donc c'est cool de pouvoir en parler quand même aujourd'hui. Ouais, parce que cette incarnation de cette espèce d'entité, cette espèce d'amalgame de chair, c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire à jouer, et en plus qui a une signification, qui a plein de significations dans le jeu, donc on en reparlera. Mais avant, on va peut-être parler un petit peu de gameplay, comment le jeu se met en place. Donc on l'a dit, c'est un jeu qui est on appelle ça un cinématique puzzle platformer 2D. Voilà, ça c'est le, c'est ça, le c'est genre auquel il appartient. C'est le genre, voilà, hein, ça a été ou classé. Truc, hein, voilà. Un truc. Et en fait, pourquoi? Parce que ça renvoie à quelques jeux plus ou moins connus. Il y a Another World, alors je connais plus le nom, j'ai plus le nom. Eric Chahi. Merci. C'est aussi l'Odyssée d'Abe, ça va être aussi Art of Darkness, c'est toute cette le lignée. Le premier Prince of Persia aussi en 2D, il me ouais, semble, qui était un petit peu ça, qui ouais. se... Il a influencé, il me semble, ce genre de... Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu cette lignée-là de jeu, et finalement, c'est un jeu très simple, c'est-à-dire qu'on se déplace, on saute, et on peut interagir contextuellement avec des caisses, des petits leviers, et d'autres choses, et finalement, le jeu se repose sur plein de petits puzzles, qui vont prendre différentes formes. Il y a les puzzles donc avec les drones, puisque quand le gamin met la tête dans le casque, bah, il peut contrôler des drones, souvent au second plan, qui vont lui permettre de faire différentes actions. Donc, juste pour éclairer, donc, ce qu'on appelle les drones, c'est ce qu'on peut appeler parfois les pantins, voilà, les marionnettes, les formes humanoïdes un petit peu, voilà. Il y a aussi des puzzles avec l'eau. Il y a une espèce de moment où l'eau s'est inversée avec la gravité. D'ailleurs, ça renvoie un petit peu à Limbo, puisque à la fin de Limbo, il y a tout ce passage où il faut jouer avec la gravité pour faire tomber des caisses. C'est l'enfer. Dans Inside, c'est beaucoup plus simple. Il y a quelques puzzles à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme motif? C'est à peu près tout, je crois. Il y a des caisses qui remontent en l'air aussi. Ah oui, il y a des petits, petites caisses là qui explosent et qui te font remonter quelques secondes en l'air. Là, ça joue sur le timing plutôt que sur la précision. Voilà, effectivement. Mais c'est très simple en fait comme jeu au niveau des puzzles. Peut-être même un peu trop, mon cher Maxime. Pas forcément. Ah alors, on verra la conclusion. C'est pas forcément, mais. Et puis il n'y a pas que des puzzles dans le sens où il faut interagir avec des objets. En fait, il y a beaucoup de die and retry. Dès le début du jeu, en fait, on comprend que Inside, c'est un jeu où on peut se faire choper et c'est le game over direct. Soit parce qu'on se fait attraper ou tuer directement, on peut se faire égorger par des chiens, on peut se faire écraser par des cylindres, il y a plein de choses comme ça. Bonne ambiance, hein. Et dans ce sens-là, c'est pas vraiment des puzzles, ça va plus être en fait esquiver ou attendre un bon moment. Et en fait, il y a beaucoup de puzzles qui sont basés sur l'aller-retour, sur le demi-tour ou sur l'attente en fait d'un certain timing avant d'y aller. Et le jeu, en fait, en joue pas mal entre guillemets, où il va te mettre ce genre de situation où tu te fais courser en fait. Il y a vraiment des moments où tu te fais courser donc par un chien. Et au début, en fait, il faut juste courir, en fait. Quand tu fais courser par le chien, il faut juste courir, il faut juste être assez rapide et sauter d'une falaise. Mais plus tard, t'as un autre chien qui te course, et lui, par contre, il faut à un moment faire demi-tour, il faut s'arrêter, en fait. Il faut aller sur une zone qui est un petit peu surélevée pour que le chien fasse demi-tour et puisse nous atteindre. Et pendant qu'il fait demi-tour, il faut partir. Alors qu'en fait, je pense que 99% des joueurs, au moment où ce chien arrive, t'as le souvenir de l'ancien chien qui te chopait si t'étais trop lent. Et là, en fait, non, il faut s'arrêter. Donc il joue beaucoup sur cette contre-intuitivité, en fait. Qui au final te tue si tu ne fais pas demi-tour, si tu n'attends pas. Et je trouve qu'il y a un exemple qui cristallise pas mal en fait toute cette volonté de design. C'est un moment où t'as une échelle et en fait tu la montes et elle mène juste à un plafond, en fait, à un mur, et tu dois descendre l'échelle et tu dois la faire basculer. En fait, l'échelle menait en haut à gauche et tu dois la faire basculer pour qu'elle te mène en haut à droite, et là tu peux passer. Là il n'y a pas de mort, il n'y a pas de truc, mais en fait tu vois, t'as une échelle. Le joueur, il fait quoi? Il monte l'échelle et il se rend compte qu'en fait non, il faut descendre de l'échelle, la faire basculer et ensuite monter. Et je trouve que ça montre pas mal en fait ce qui est attendu de toi dans pas mal de puzzles où tu vas devoir faire un demi-tour, tu vas faire quelque chose qui te paraît intuitif et en fait non, il faut faire demi-tour et faire ce qui n'était pas forcément intuitif. C'est-à-dire qu'en fait ça se construit pas du tout sur une boucle de gameplay traditionnelle avec genre ok, je sais quel est mon objectif, je connais les mécaniques qu'on m'a appris et je vais pouvoir faire feu de tout bois pour arriver à mon objectif. Là, c'est beaucoup plus, c'est quelque chose pour moi qui est beaucoup plus dirigé, qui est beaucoup plus ficelé en fait. C'est genre bon je vais suivre un peu mon instinct, je commence à bidouiller un truc, ça ne marche pas, du coup je reviens un petit peu sur mes pas et je vais changer un petit élément et du coup ça marche en fait. Et souvent le ça marche pas, tu meurs en fait. Ouais, c'est souvent ça. Ils en jouent d'ailleurs, enfin tu vois qu'il y a une vraie ils prennent plaisir un petit peu, ils ont un plaisir un peu sadique avec ce pauvre gosse parce qu'il va vraiment s'en prendre plein la gueule dans tous les côtés. Il se fait étrangler, il se fait bouffer par des chiens. Il y a une espèce d'humour noir en fait qui est présent un petit peu dans tout le jeu. Et en fait, le fait que ça soit quand même facile, c'est-à-dire qu'une fois que tu meurs, en général, tu dis ok, je vais juste faire un petit truc et c'est facile. Mais du coup, ça leur permet de distiller toutes ces petites morts un peu. Ce mi-morbide, mi-rigolote, tu vois, et parce qu'elles sont tellement gratuites en fait, t'as vraiment ce bim et t'es mort, tu vois. C'est le côté, c'est ce qu'on avait déjà dans Limbo, on avait ce côté en fait très gore, très absurde de la violence, hein, qui permet en fait de désamorcer un petit peu la tension, parce que c'est un jeu qui est extrêmement oppressant. Ouais. Quand t'es dedans, tu joues avec ton casque, on en reparlera de la direction sonore, ils ont fait un boulot assez incroyable là-dessus, et du coup, le fait qu'il y ait ce côté-là, ça permet, tu vois, de créer vraiment un décalage dans ce que toi tu ressens de l'action, et ça te permet un petit peu de souffler et de pouvoir repartir en te disant putain c'était rigolo. En plus du coup, tu peux même en jouer parce qu'après dès que tu vas voir des nouveaux objets ou des nouveaux pièges, tu dis mais que se passe-t-il quand cette onde de choc gigantesque va me passer dessus, tu vois. Moi je sais que des fois je l'ai testé, tu vois, j'ai regardé, je fais comment il va mourir, il se fait électrocuter, là il se fait noyer, là il fait machin. Tu dis ok, c'est vraiment, il y a un côté un peu rigolo et expérimental de ça. Alors ça permet du coup de désamorcer le côté violent et vraiment oppressant, mais ça n'enlève pas le propos. Moi, ce que je voulais dire sur le gameplay, c'est que du coup, en fait, ils ont utilisé, c'est un jeu où ils utilisent les habitudes des joueurs pour justement nous prendre à revers. C'est ça ce côté direct. C'est qu'ils disent, regarde, cours à droite, ça va bien se passer. Et en fait, eux, ils sont là en train de se taper les coudes dans les côtes en disant, il va courir ce con, il va se faire tuer. Et c'est juste ça, en fait. C'est vraiment ça, ce côté du, vu qu'ils savent qu'on va faire ça, ils nous mettent un piège à cet endroit-là et on se fait niquer la première fois. Mais c'est vrai que sur le coup, moi, il n'y a pas de puzzle ou il y a peut-être des moments avec la sirène à la fin où c'est vraiment du timing, ça se joue au poil de cul. Et encore, comparé à Limbo, en fait, ouais, c'est quand même beaucoup plus simple. Fait Limbo après Inside, je me suis rendu compte de la difficulté de Limbo. T'as vraiment des passages, c'est dur, c'est difficile. Ah bah c'est I wanna be the Limbo. Hein. Voilà, alors que Inside, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, il y avait un des développeurs qui en parlait, donc qui s'appelle Peter Brookhart. Alors je prononce pas son nom correctement, je m'en excuse auprès de lui, qui travaille plus à Play Dead aujourd'hui, mais qui a travaillé sur Limbo et Inside. Et en fait, il expliquait que au début, ils sont partis en commençant à travailler sur Inside. Ils ont repris un peu les mêmes mécaniques que Limbo. Ils voulaient vraiment faire un truc die and retry. Et puis ils se sont rendu compte que finalement leur puzzle, ils voulaient surtout s'en servir pour t'ancrer dans leur univers. En fait, te faire vivre des choses un peu particulières plutôt que vraiment te challenger ou un truc comme ça. Et tu vois par exemple, on en parlait en fait quand on préparait l'émission, où tu illustrais le côté, bon bah tu sais pas trop ce que tu vas faire des puzzles, avec le premier passage, tu sais, où tu mets le casque et les drones. Et en fait, tu mets le casque, tu mets les drones, tu bidouilles des trucs et bim, en fait, le passage il s'ouvre. C'est pas toi qui te dis, ok, attends, je vais utiliser les drones pour ouvrir le passage. Mais finalement, l'intérêt de ce puzzle, il est pas dans le puzzle lui-même, mais dans comment il prend forme. Parce que tu mets ce casque, tu commences à contrôler des personnes au second plan. Enfin, moi, je me souviens, quand la première fois que j'ai fait ça, je fais, ah d'accord, ok, on part là-dessus, quoi. Et du coup, tu te rends compte que tu bidouilles un peu et le passage s'ouvre. Et du coup, tu vas comprendre, tu vas te dire, très bien, ça veut dire que eux, en fait, je m'en sers, c'est aussi quelque chose qui va me permettre de progresser. Bah, c'est une forme d'exposition d'une mécanique de gameplay, en fait. La première fois, en fait, ils font toujours ça. C'est-à-dire qu'ils pour chacune des nouvelles mécaniques qu'ils intègrent, un nouveau système, ils vont te le présenter une première fois. Tu vas avoir une situation où tu réfléchis pas, t'avances et tu comprends ce qui se passe à l'écran. Et le but, c'est de l'intellectualiser pour que tu le réutilises instantanément juste après. Donc ça fonctionne bien. Et là, ce qu'ils ont vraiment essayer de faire par rapport à Limbo, c'est plutôt que d'utiliser la direction artistique pour créer cette ambiance oppressante, puisque Limbo, c'était ce côté très noir et blanc, etc., qui du coup, en lui-même, était assez oppressant. Là, en fait, ils ont voulu ancrer les puzzles et essayer de les faire résonner avec la diégèse du jeu, c'est-à-dire d'utiliser, plutôt que de dire « je pousse une caisse, il y a un levier, etc. », ils ont essayé, dans la majorité des cas, parce qu'on n'était pas trop d'accord là-dessus, encore une fois, dans la préparation, c'était très animé, il faut le dire. Ouais, vous connaissez pas les coulisses de fin du game, mais c'était assez animé celui-là sur Inside. Toutes les émissions sont très calmes. Ouais, alors que hier c'était le feu. Oui, là, le podcast, vous avez quelque chose de plat, mais on a tapé avant pour l'affiner. C'est pour ça, là, maintenant on est calé. Et ce que je voulais dire, c'est que la plupart du temps, ils essayent en fait de faire en sorte que ça soit assez logique, assez cohérent avec ce que le gamin il voit devant lui. C'est-à-dire qu'il y a une porte, il va soulever la porte, il va faire un truc. Du coup, on n'est pas dans une logique de oh, voici un puzzle et voici une caisse, voici un levier. Tu vois, c'est pas céleste où ça crée des situations qui sont complètement liées au jeu. Là, ça crée des situations qui, la plupart du temps, sont liées à cet univers-là, et donc ça permet de flouter un peu plus la différence entre le jeu et cet univers-là, en tout cas entre le jeu et ce qui pourrait être une pseudo-réalité. Donc ça fonctionne pour moi plutôt bien, ces puzzles-là, puisqu'en plus, comme c'est assez facile, c'est un jeu qu'on peut conseiller à tout le monde, et ça c'est vraiment une bonne chose, parce que c'est des jeux qui sont particulièrement fort dans leur intention, dans leur propos, et te dire, tu peux le conseiller à quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux vidéo, mais qui a quand même un certain âge, hein, parce que ça reste quand même très gore, donc ne faites pas jouer à vos enfants mais voilà, quelqu'un de ta famille qui a jamais joué aux jeux vidéo, tu peux leur conseiller ce jeu-là et ils vont quand même avoir une bonne expérience de ce que peut apporter ce médium-là. Mais c'est vrai que c'est un vrai contrat en fait que tu fais avec le jeu, alors plus ou moins rapidement, moi ça m'avait un petit peu agacé un petit peu au cours du jeu, donc d'avoir des puzzles que tu résous sans les comprendre, en fait ça m'avait un petit peu je trouvais que c'est des puzzles qui étaient pas hyper bien, mais comme vous le dites ce sont des puzzles qui ont une autre utilité en fait, qui n'est pas là pour la satisfaction du ah j'ai réussi, ah j'avance, mais qui est là pour exposer des choses, comme vous le disiez, en arrière-plan, pour montrer des éléments du lore ou initier à des mécaniques, malgré le fait qu'il y ait certains puzzles que je trouve assez intelligent, assez intéressant et intégré aussi au jeu, quoi. Oui, il y en a, c'est des purs puzzles, tu vois, notamment le moment où tu joues un peu avec l'eau et la gravité, enfin, tu dois quand même te poser la question de dire, ok, ça va être quoi le moment, quelle est la solution, tu vois. Je pensais un petit peu à Braid, là, dans mon esprit. Braid, c'est vraiment tout le temps ça, il y a toujours ce moment un peu roca, genre, ah oui, j'ai compris, en fait, faut que je fasse ça, ça, ça, et ça marche. Dans Inside, la plupart du temps, c'est tu bidouilles un peu et ça passe, mais il y a quand même quelques moments où il faut réfléchir un petit peu. Celui des poussins, moi, je l'avais trouvé assez sympa, et en plus, il est assez bien intégré. En fait, lui, il sert en plus vraiment sur tous les plans, je le trouve vraiment utile et intéressant, puisque tu peux le résoudre, donc, entre guillemets, je vais pas faire le vrai jeu faux jeu, mais comme un vrai puzzle, où tu peux, par ton observation et ta déduction, le résoudre. Et en plus, le jeu, il t'aide un petit peu, parce que donc, les poussins, il faut les faire revenir. En fait, il faut aller tout à droite de l'écran, se dépêcher et les faire aspirer par la machine avant qu'ils reviennent vers toi. Et le jeu, en fait, il y a un poussin qui est en retard. Le jeu, il a volontairement mis un poussin en retard pour que, même si t'as été un petit peu trop lent, tu puisses l'aspirer quand même, si t'avais pas fait très attention au timing et tout, pour que tu comprennes que ce poussin se fait éjecter sur la caisse que tu vas faire tomber. Et il est aussi intéressant en termes d'exposition, parce qu'il va t'initier un petit peu au principe de tu vas te servir de ce qui traîne et de ce qui te suit, tu vois. Parce que je pense qu'on a à peu près tous eu la même réaction. Tu dis, ah non, je vais quand même pas envoyer balancer les poussins par ce truc qui est potentiellement un broyeur. En plus, tu sais pas, tu vois. Ça se trouve, tu vas broyer des poussins, il m'a envoyé plein de plumes, tu vois, sur le truc. Ils auraient été capables. Bah ouais, et sur le coup, tu fais, oh non, et puis tu le fais 5 secondes après, en général, tu le fais. Et au final, tout va bien, il retombe et tout. Mais t'es quand même passé par ce stade où t'as balancé des poussins violemment contre une caisse. Et ça, c'est quelque chose que tu vas retrouver plus tard dans le jeu. Donc ce puzzle, il est vraiment intéressant à tous les niveaux. Ouais. Ouais, c'est ça en fait, c'est que ça prévoit en fait, ça te permet d'installer la situation où là tu contrôles des animaux, mais plus tard tu vas contrôler des humains et tu vas également les sacrifier, tu vas avoir absolument aucun attachement envers ces créatures-là. D'ailleurs, tout est fait pour que tu ne t'y attaches pas, qu'ils soient pas trop humanisés. C'est marrant. Parce que là, au niveau esthétique, on en reparlera si tu veux, mais. Les mannequins, tu penses ? Les pantins. Ah, le fait que tu ne t'y attaches pas du tout, t'as un côté. La différence entre Bob 1, Bob 2, Bob 3, Bob 4 et Bob 28, tu vois, pour moi, c'est les mêmes. Je trouve qu'il y a une évolution, en fait, où au début, bon, ils sont juste en arrière-plan. Après, ils sont proches de toi, mais tu leur fais rien. Il y a juste un moment où tu pousses, enfin, le premier moment un peu. Pas gore mais violent avec ces pantins, tu fais tomber un cadavre, tu sais, de haut, une espèce de cadavre de pantin sur l'espèce de puzzle où t'as besoin d'être 19 personnes dessus, tu dois faire tomber un cadavre de pantin, et à ce moment il est assez t'as cette masse que tu fais tomber et pouf, qui fait une espèce de truc comme ça, et t'as un autre moment plus loin, un moment tu sautes au-dessus d'un trou, et là tous les mannequins qui te suivent, et tu sais qu'ils peuvent pas sauter, et ils se ramassent deux étages en dessous, ils s'étalent en dessous. Et à ce moment-là, tu t'en fous un petit. C'est vrai que t'as été habitué, t'as été un petit peu anesthésié en fait au fil du jeu. Ouais, c'est ça. Le jeu, en fait, il t'a appris à, voir la fin justifie les moyens, quoi. C'est un peu l'idée du. Tu t'en fous en fait. Tu peux les utiliser. C'est des drones parce que tu les contrôles. Même tu si moi, je me sentais justement lié à eux parce que justement, t'as ce pouvoir de les contrôler. Enfin, quand tu renais, justement, t'as plus besoin de casque pour les contrôler. Ouais. Et t'as une espèce de lien. Mais en fait, pour moi, ça participait toujours à l'humour. Genre, ils sont tous tombés dans le trou, mais ils meurent pas à la fin. En plus, ils sont en bas, ils meurent pas. Et à ce stade-là, tu commences à te dire que peut-être que c'est pas des humains en fait qu'ils ont été créés, donc ça change encore plus ton approche parce qu'au début quand c'est un peu des ouvriers et tout tu sais pas encore, concrètement tu ne sais jamais, mais au début tu peux encore te dire c'est des humains qui sont un peu contrôlés, et à la fin tu commences à avoir un peu des cultures de ça, donc tu dis bon au final c'est peut-être pas vraiment peut-être qu'ils les fabriquent Moi j'ai de la sympathie pour ces créatures, on reviendra peut-être sur les c'est l'occasion de toute façon d'y aller, parce que là de toute façon niveau puzzle infini c'était juste, je reviens juste sur cette notion un petit peu de contrat en fait, où tu te rends compte que les puzzles en fait c'est pas vraiment ce qui est important dans le jeu, même si certains sont très intéressants et servent à exposer, t'en as plein qui n'ont aucun sens dans la diégèse entre guillemets du jeu, qui sont juste, enfin t'as des boutons pour faire sortir des planches du mur, mais il faut vraiment suspendre en fait cette incrédulité et t'en foutre en fait des puzzles, te dire Inside c'est pas vraiment un jeu de puzzle, c'est beaucoup plus un jeu qui est là pour me montrer et me dire des choses. Moi c'est juste que ce qui m'a en fait à chaque fois que je revois le jeu je suis surpris par sa richesse en fait de tous ces éléments, parce que c'est vraiment un jeu qui dure 2h, 2h30 et pourtant tu vois plein de choses, t'as les puzzles avec les cadavres, le moment avec l'eau, t'as le moment d'être dans ton petit sous-marin, t'as le début c'est la fuite, enfin il y a plein d'opportunités en faire plein de petites choses, tu ne t'ennuies pas dans Inside, vraiment c'est un jeu, même si les puzzles sont pas passionnants en tout cas dans leur construction vidéoludique, tu ne t'ennuies jamais. Ouais, et puis il y a des effets de mise en scène très cool où ça arrive plusieurs fois où tu vas sauter, tu vois, d'une falaise et puis tu tombes dans l'eau et t'as la caméra qui recule, donc t'as un changement d'échelle dans ton expérience, ça te change, où t'as vraiment, sinon t'as un moment où tu joues, t'es dans le sous-marin et tu pètes, je crois, un sol, quelque chose comme ça, et là c'est Robelotte, c'est un peu la même chose, tu transperce le sol et la caméra recule vachement et tu deviens tout petit sur l'écran et t'as un vrai effet cette sensation d'échelle, tu dis ah ouais c'est gigantesque quoi, t'as vraiment ça te saute aux yeux, ils ont une vraie maîtrise d'ailleurs de leur caméra quoi, vraiment comment ils la manipulent, c'est à dire que d'ailleurs c'est toi qui en parlais un petit peu Xerf, c'est à dire qu'elle est pas vraiment fixe collée au personnage comme ça pourrait l'être je sais pas sur Super Mario ou des trucs comme ça, elle est beaucoup plus tu sens qu'ils en gardent le contrôle et qu'ils jouent justement sur les perspectives et sur les angles de caméra. Bah en fait c'est Donc ça, c'est Max qui le disait. C'est effectivement de la 2,5D. Tu vois, j'ai revérifié la définition. J'étais pas sûr, mais t'avais raison. En fait, le truc, c'est que d'habitude, la 2D, bon, on sait ce que c'est Mario, vous vous déplacez sur un axe X ou un axe Y. Et c'est tout. Là, en fait, comme c'est un univers qui, certes, se déroule sur une ligne droite, mais qui a une caméra qui se déplace dans un univers qui, lui, est en 3D, le jeu est très rarement, en général, quand il est vraiment collé, on va dire vraiment en 2D, tu vois, par rapport au personnage, c'est quand ils veulent c'est plus pour des raisons de photographie. C'est typiquement la scène, le screen que je vous avais envoyé, où il y a toutes ces espèces de cultures d'humains bizarres là, dans l'eau qui est remontée, et du coup avec les fils qui remontent vers le ciel, ça te fait une perspective vraiment très c'est jolie. La composition, quoi, voilà, c'est vraiment... dans la composition de l'image, des fois ils vont utiliser ça, mais la plupart du temps tu vas toujours avoir un léger décalage, ce qui va en fait toi t'inciter en tant que joueur naturellement à attirer ton regard vers la droite, et donc ça te permet de maintenir en permanence ton envie d'aller de ce côté là tu vois, c'est un tout petit truc de caméra et de cinéma qu'on peut utiliser et qui est utilisé dans le jeu, et c'est bien de le préciser parce que c'est vraiment à peine perceptible, mais à chaque fois qu'il va y avoir un tout petit décalage, toi tu vas te dire ah, tu vois un peu de hors champ vers la droite, et donc toi ton regard il est naturellement attiré vers là, et donc ton stick il, hop, il se pousse dans cette direction. C'est comme la bagnole, tu sais, c'est pour tourner il faut regarder là où tu veux aller. Bah là c'est pareil, là où tu regardes le personnage il y va, et ça c'est vraiment très malin parce que ça montre la maîtrise de leur caméra, du contrôle, puisque ça on va reparler un petit peu, et surtout de la mise en scène de leur jeu qui est mais magistrale. Enfin moi je l'ai refait il y a pas longtemps avec ma copine, je l'ai regardé faire le jeu, et du coup j'ai pu regarder un petit peu tous les petits détails, tu sais, comme quand tu regardes certains films, et tu te dis, mais c'est ouf la quantité de trucs, la maîtrise de chaque séquence, mais c'est débile. C'est vraiment très très très impressionnant, quoi. Moi c'est leur sens de la composition en fait de l'image qui m'a vraiment impressionné. Ils utilisent beaucoup la lumière, les contrastes entre les lumières, ils utilisent beaucoup les lignes de fuite, ils traversent, ils coupent les écrans en deux comme ça avec les rayons lumineux, qui d'ailleurs sont toujours associés un peu à un danger dans le jeu. Dès le début tu l'apprends avec les mecs qui te poursuivent avec leur lampe torche, et c'est vrai que si tu prends vraiment, tu peux t'amuser à prendre des screenshots un peu comme ça tout le temps dans le jeu, et en fait il y a toujours un sens de la composition qui va aiguiller ton regard pour te diriger vers les détails. Et ce sont justement tous ces détails qui vont participer à la narration du jeu. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un jeu où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de mots, rien du tout. Mais tout ce qui l'essaie de raconter, il le raconte via sa narration environnementale. C'est vraiment le jeu. Pour moi, c'est un exercice sur la narration environnementale et qu'est-ce que ça peut faire. Et ça fonctionne tout le temps là-dessus, quoi. Et la lumière qui devient directement un élément de gameplay, où parfois tu dois jouer avec les ombres, en fait tu dois déplacer certains objets pour bloquer justement des faisceaux lumineux et ne pas te montrer. Et t'as un passage aussi où tu dois passer des espèces de robots géants trop bizarres qui ont les yeux qui tournent de gauche à droite, donc ça c'est un mécanique de gameplay qu'on connaît bien, hein. C'est classique, l'infiltration, dans l'infiltration, etc. Et du coup ce puzzle, c'est aussi, tu dois aussi faire un aller-retour, parce qu'en fait si tu actives le bouton qui active les robots et que tu vas au bout, en fait t'as une grille qui te bloque fermer, et t'as pas le temps, donc il faut en fait revenir désactiver les robots, lever la grille, retourner au bouton et le refaire. Ouais, bah de toute façon c'est ça, hein. C'est, ils jouent tout le temps en fait sur tes attentes et sur tes habitudes de joueur. C'est un peu des scientifiques en mode Pavlov, tu vois, ils nous regardent, nous une petite souris en train de nous balader dans le labyrinthe, et à chaque fois qu'on fait un truc, ils savent exactement quand ils sont certains qu'on va faire un truc, pouf, ils nous mettent une petite pichenette et ils tuent le monde avec une manière dégueulasse. Mais là le côté, il y a deux choses en fait dans la narration, il y a la narration environnementale et donc toute la narration qui va passer par l'animation du personnage. Qui est à mes yeux l'une des plus grandes performances du jeu. L'animation du bonhomme, mais même du monde de manière générale, est ahurissante. C'est comme le personnage n'a pas de visage et qu'il n'a pas non plus vraiment, il a des traits humains mais on voit pas complètement ses doigts, tout est tellement fluide et réaliste dans ses expressions qu'on se retrouve avec le même tu vois le même impact que quand tu regardes le cinéma muet et que les acteurs en fait exagéré en fait, surjoué pour justement te faire ressentir des trucs. On retrouve un peu ce petit côté là et ça fonctionne à fond. Enfin, le gamin quand il saute, quand il s'accroche, quand il marche, le passage qui m'avait le plus bluffé, c'est quand il fait semblant de marcher avec les pantins, où il marche et en fait tu vois que c'est un enfant parce qu'il fait semblant de jeter un peu les pieds comme s'il marchait comme un petit robot, et c'est comme ça que tu ferais en fait. Et c'est vraiment incroyable ce travail qu'ils ont fait à ce niveau là parce que du coup l'intégralité de leur jeu et on va dire une démonstration de force technique. Parce qu'en plus de ça, pour parler vite fait de technique, j'ai regardé, il y a encore une conférence de la GDC. Souvent, quand les jeux sont bien, il y a une conférence de la GDC. c'est un petit indice que je vous donne comme ça, pro type. Où il parle justement de la réalisation graphique technique du jeu. Et le jeu, mais c'est un amas. Enfin, je veux dire, tu pourrais faire une publicité à Nvidia ou à AMD pour leur carte graphique avec tous les trucs à l'intérieur qu'ils ont intégrés. Le jeu est vraiment un modèle de d'effets de post-process, de travail sur la lumière, le HDR, le rendu physique des textures, des choses comme ça. Tout est incroyablement calculé, tout est ultra maîtrisé, parce que du coup, le rendu de l'eau, il est ouf, le rendu de l'intérieur de l'eau, il est complètement ouf, les textures, enfin, le bois, tout ce que tu vas croiser, c'est vraiment... à la fois un peu réaliste, mais en même temps, pas du tout photoréaliste comme on l'aurait, je sais pas moi, dans un Red Dead ou quoi que ce soit, parce que tu comprends tout le temps que t'es dans un univers bizarre où tu sais pas ce qui se passe. Mais en fait, le truc, ce qui est intéressant vraiment avec cette animation, c'est qu'ils arrivent à créer de l'empathie pour le garçon et à te mettre un peu dans ses chaussures. Et dès le début du jeu, au tout début, en fait, sa manière de se comporter, sa gestuelle... Tu comprends sa fragilité, c'est-à-dire que la première rencontre avec les mecs qui ont les masques et tout, en fait, lui, il les voit, donc toi, tu les vois également sur ton écran, tu vois comment le gamin réagit, et il commence à se recroqueviller sur lui-même, à se cacher, et en fait, bah, tout de suite, tu comprends directement les enjeux du moment. C'est « Ok, ces gens-là, apparemment, ils sont pas bons pour moi, et je vais me planquer, quoi. » Et ça, c'est très fort, parce que bah, dans le jeu vidéo, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui t'apprend constamment des trucs, qui t'enseigne des choses et qui te donne des leçons. Et les petites leçons, bah, t'as plusieurs manières de le faire. T'as soit un petit message genre « Attention, si les gardes vous voient, ils vont vous tuer. » Et là, en fait, c'est vraiment... C'est en silence, simplement par la gestuelle, tu comprends tout de suite ce qu'il ne faut pas faire pour continuer. Et cette, l'animation et gestuelle permet aussi un petit peu de changer le gameplay sans que ça te choque, puisque tu comprends, tu dis le petit garçon au début, bah, justement, il marche un peu en étant accroupi et lent, et il y a un moment, en fait, il commence à respirer fort, enfin, je crois que t'as la lumière qui se braque vers toi, ouais. Tu l'entends respirer, et puis t'as la musique un petit peu oppressante qui commence qui à arrive, démarrer. Pour la petite anecdote, la musique qui est jouée dans un crâne humain, bon, on sait pas à quel point c'est de la gomme ou pour faire le bon. Non, mais, c'est vrai. Mais voilà, peut-être que tu le fais dans une boîte à œufs, c'est pas si différent. Non, bon, après, le fait qu'ils aient choisi de faire un crâne humain, c'était plus pour le délire de se dire le compositeur, en fait, ce qu'il voulait faire, c'est que lui, il s'intéressait aux sons que nous, on entend. Tu vois, les sons que toi, tu entends dans ton crâne sont pas les mêmes. Votre voix n'est pas la même quand vous vous écoutez que quand vous vous entendez parler dans votre propre tête. Et donc, il voulait en fait donner l'impression d'être dans la tête des joueurs. C'est pour ça que ça fait partie de ces jeux qui, au casque, ont un travail sur le paysage sonore qui est très très fort. Et la musique elle est assez folle. Cette musique elle marche super bien, et à ce moment quand tu l'entends et que t'entends le garçon respirer et que tu commences à mettre le joystick vers droite, là il court en fait, et tout est justifié, t'as pas besoin de te dire putain c'est bizarre pourquoi je me mets à courir, non tu dis ok non faut que je cours, c'est particulièrement fort comme pouvoir de suggestion, parce que il y a pas de bouton pour courir ni quoi que ce soit, tu vois, on n'est pas dans un jeu où il y a un bouton pour s'accroupir, il y a un bouton pour sauter, il y a un bouton pour machin, tout se dirige, c'est un jeu, on l'avait comparé un peu à Journey dans notre préparation, parce que on retrouve un peu cette optique là d'être un jeu tout public, tu vois, vraiment universel, qui peut être pris en main assez facilement, il n'y a que deux boutons, donc c'est quelque chose de très simple en termes de contrôle, et ils arrivent à te faire comprendre instantanément ce qui va se passer, et moi ce que j'ai trouvé encore plus fort, c'est que l'action n'est pas coupée, tu vois, on l'avait dit, c'est un plan séquence, donc on en avait parlé pour God of War, on avait dit que c'était un tour de force, même si là ça ne dure que entre guillemets 2h30, ça reste un tour de force, parce que le jeu n'est jamais ralenti, le rythme de l'action, tu es toujours en train de fuir, et ils t'apprennent les choses pendant que t'es dans cette fuite, et ça c'est très très fort, parce que ils ont réussi à ne pas casser le rythme du jeu en te disant, voici un tutoriel, bienvenue, appuyez sur X pour sauter, presse X to Jason, presse F to pay respect, etc, etc, ils ont vraiment réussi à intégrer ça de manière seamless, donc fluide, dans l'aventure, et ça se passe directement. Ouais, comme tu disais, les pantins, juste avant ça, t'as une espèce de petit robot un peu caméra qui a un petit faisceau de lumière qui regarde l'enfant, et l'enfant tout de suite il comprend que c'est une menace, tu vois, il regarde un peu par curiosité, puis tout de suite il se met droit, en fait, tu comprends qu'il réagit un peu par peur, il se met droit, et puis il jette des petits coups d'œil craintifs à la caméra. Et là encore, là pour faire mon petit passage cinéma, la caméra se décale légèrement, tu vois, elle prend vraiment une ligne de fuite qui est légèrement décalée, et donc tu vois en fait la ligne de drones qui sont devant toi, et tu commences à percevoir le fait que tu vas participer à une sorte de test, et tu comprends instantanément, moi je trouvais ça fou, c'est que tout de suite t'as compris qu'il va y avoir un test, en fait. Les personnages ils avancent et ensuite ils s'arrêtent tous à des échéances fixes, et en fait ceux qui sont dans une espèce de rectangle dessiné au sol, ils doivent sauter, se retourner, ils doivent faire une action, et toi t'as le temps de la voir venir, donc tu peux très bien le faire et le découvrir, et c'est un truc dans lequel je suis pas mort, hein, parce que j'ai tout de suite compris ce qui se passait, et j'étais méga stressé, parce que le petit gamin il est méga stressé, la caméra a fait peur, et donc j'ai découvert qu'en refaisant le jeu que tu te faisais ouais, planté tu peux en mode taser. Ce qui est vraiment, enfin moi je trouve ce passage qui est vraiment, enfin c'est vraiment la maîtrise, parce que en fait c'est toute leur utilisation de ce qu'on appelle le foreshadowing. Alors c'est un procédé littéraire, c'est-à-dire de présager des choses pour que tu les vois un peu par la suite, mais là ils s'en servent de manière mécanique, c'est-à-dire que non seulement bah t'as compris que les faisceaux lumineux c'était dangereux, parce que au début du jeu bah tu te faisais poursuivre par des machins, donc dès que t'as la caméra qui te braque le faisceau, ok, tu sais qu'il va falloir que t'es en semi-danger, mais t'as aussi le rythme des pantins. Jusqu'ici t'as vu des mecs au loin marcher dans la rue avec ce rythme là de passe, avec clac clac clac, oui, tu sens que c'est pas des humains, exactement, et tu te dis ok, je suis au milieu de ces gens là ils se déplacent à cette vitesse, moi je me déplace comme ça pareil, et tout de suite le gamin, eh ben t'es complètement en phase avec lui puisqu'il prend ce rôle là il se dit ok, attends, je fais semblant aussi, et toi en fait bah tout fonctionne, en fait tout fonctionne pour que tu comprennes directement. Et là c'est fort parce que justement on dit bah ils s'amusent souvent à nous mettre sur des fausses pistes et tout, mais là quand ils veulent mettre réellement sur une bonne piste et que tu ne meurs pas, et moi non plus je suis pas mort à ce passage là eh ben ils réussissent, et c'est ça la réussite, quoi. Bah ça montre que quand ils te font mourir, c'est volontaire, c'est eux qui décident de te faire mourir, c'est pas un raté, c'est pas un problème d'équilibrage. Est-ce qu'ils nous contrôlent? Mon Dieu, c'est ça, c'est peut-être ça. Mais c'est ça en fait qui est assez incroyable avec ce jeu, c'est qu'en plus cette séquence là, il en parle longuement là le compositeur, parce que j'ai trouvé un truc intéressant qu'ils ont fait. En gros, dans un jeu vidéo, quand tu fais de la musique, il y a tout un tas de moyens de l'intégrer, hein, on peut faire de la musique dynamique avec FMOD, WISE, etc. Et donc tu peux faire en sorte que la musique réagisse à tes actions. C'est le coup de bon, bah, je vais vous parler de The Witcher vu que je suis en plein dedans. Tu sors ton épée, tu tapes un monstre et hop, t'entends les direct, instantanément. Ça, c'est voilà, c'est de la musique dynamique. C'est une intégration assez classique aujourd'hui de la musique dans le jeu vidéo. Inside, il fait l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, le gameplay dans certains passages se met à respecter le tempo réel et donc le tempo de la musique. Dicte le jeu. Et donc le tap des pieds des mecs. Il ne change jamais. En fait, il ne s'arrête jamais quand tu meurs et que le personnage revient en arrière et que du coup, t'as un respawn de ton petit perso. En fait, le rythme ne s'est pas cassé. Et donc, ils ont créé tout un tas de petits moyens très subtils pour légèrement décaler le déclenchement de certains actes pour que la musique ne change pas. Parce que ce qu'ils voulaient pas, c'est que le joueur, lui, en fait, perde l'immersion pendant ces quelques instants. Et donc, en fait, ils ont maintenu en permanence ça. Une autre séquence, moi, que j'ai trouvé absolument incroyable d'horreur, parce que moi, ça m'a fait flipper, c'est à un moment quand il commence à s'enfuir, ça l'impression qu'il y a une sorte de tu sais comme dans les forêts là quand il t'arrache entièrement une ligne pour empêcher les feux là, je sais plus comment ça s'appelle, je vois le enfin, procédé, bref, mais ouais. Ils font, t'as l'impression que c'est la même chose, sauf que là en fait à la place d'avoir un truc très gentil où il se passe rien, t'as des énormes baffles qui t'envoient une onde de choc que tu entends arriver, et quand toi elle te touche, mais tu es propulsé, c'est bombardé, c'est dégueulasse, et c'est un passage moi que j'ai trouvé particulièrement horrible, de me dire c'est l'idée d'avoir pensé à un truc sonore qui te tue, je trouve ça vraiment vraiment bluffant. Le son il fonctionne à fond, et de la même manière quand tu meurs dans ce truc là, le son lui il se redéclenche toujours au même rythme, et donc du coup ils ont réussi à intégrer le fait de ressusciter et de repartir en arrière pour pas que ça casse complètement le rythme de la musique, mais que tu arrives quand même à te recaler toi dessus, parce que comme la musique ne s'est pas arrêtée, toi joueur inconsciemment tu te cales sur la musique, tu te cales dessus, et ça c'est vraiment bluffant, parce que c'est vraiment une manière intelligente non pas d'intégrer la musique mais de forcer le gameplay à se calquer sur la musique. En plus je crois que la musique elle décolle un petit peu pendant cette séquence, elle change en fait, c'est oui, pas y a, exactement y a une musique la même particulière, enfin, ouais. Y a vraiment une piste, si vous cherchez Shockwave sur internet, ouais. Inside, vous aurez vraiment la piste ouais. au milieu du truc, je crois que ça démarre un petit peu, enfin ça se lance beaucoup, mais le tempo reste le même avec les Shockwave, quoi. Mais c'est vraiment c'est assez fabuleux, parce que c'est un jeu je trouve qui est beaucoup dans les sensations aussi, t'as le à la fin quand tu contrôles le blob, en fait t'as un espèce de sentiment de puissance qui est accentué par tout ce qui se passe, donc tu contrôles cette espèce de grosse créature, mais ce qui est intéressant c'est que jusqu'ici t'étais un petit être tout fragile, et en fait le fait de contrôler cette grosse créature à la fin, bah t'as déjà tout de suite ce sentiment de puissance, et ça c'est vraiment, encore une fois, c'est manette en main, ça ne change pas, t'appuies pas sur des boutons différents et tout, c'est juste la sensation de ce qui se passe à l'écran via ta manette, tu vas ressentir ce sentiment de puissance, et puis de la manière aussi dont c'est animé, forcément tu vas rentrer et il essaie de traverser des portes et en fait il te défonce tout le tour de la porte, t'as vraiment un côté hyper destructeur à ce moment-là, c'est qui est assez jouissif. Et justement, on est toujours dans ce principe de foreshadowing, c'est-à-dire que dès le début du jeu, toi, les limites physiques du personnage, du gamin, tu les ressens très vite, parce qu'il peut pas vraiment soulever, il a du mal à pousser certains trucs, des fois il doit vraiment forcer, et le moment où tu pénètres dans cette espèce de sphère où il y a le blob là qui est accroché à des trucs électriques, tu sais pas trop, il essaye, tu peux choisir d'arracher un truc pour essayer de péter la vitre où tu vois les scientifiques avec lesquels tu étais quelques instants auparavant, tu les vois qui te regardent maintenant, et toi t'y arrives pas, et instantanément quand t'arrives avec le blob, tu le détruis, et là, en une seconde, tu comprends la puissance que tu es. Et ce qui est génial, c'est que ça avait été suggéré à la fois par la fragilité du gamin tout au long du jeu, et par ce fameux puzzle où tu dois réunir une vingtaine de drones, puisque grâce à tu vois, le côté union fait la force, ouais, tu pousses un énorme container qui a l'air ultra lourd, qui doit peser des tonnes, mais comme t'as une vingtaine dessus, bah t'arrives à le déplacer un petit peu, et donc instantanément, toi, tu es projeté dans cette idée que maintenant, tu n'es plus un, tu es 20, tu vois, tu es légion, tu es... et tu y vas, quoi. Et ça, c'est génial, parce que le jeu, du coup, s'accélère énormément, ça dure peut-être 15-20 minutes à peine, ouais, sur les 2h30, mais c'est vraiment un moment d'une intensité folle, parce que tu ressens un gain de puissance qui est vénère. C'est comme si dans un jeu vidéo tu passais du niveau 1 au niveau 80 instantanément, ouais, tu vois. Bah tu deviens invincible, tout simplement, en fait. Ouais, tu deviens vraiment invincible. Parce que même quand tu tombes, tu entends des bras qui se craquent, tu entends de la chair qui se disloque, tu entends les jointures qui se pètent, c'est dégueulasse, le niveau sonore, c'est incroyablement ça bien fait. Gémit en plus. Tu les entends. Tu sens qu'il y a des têtes quelque part à l'intérieur. Tu étais chez Playdead, toi, t'as fait le meilleur. Superbe imitation. Mais là, c'est que je m'en souviens bien, tu vois, ça m'avait marqué. Et également, là, au niveau de l'animation, on en parlait tout à l'heure, ils ont fait également une vidéo pour expliquer ça. Et c'est de l'animation donc procédurale. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les membres se déplacent en fonction de ce qu'ils ont autour d'eux. Et ça donne l'animation procédurale. Vous prenez Assassin's Creed, quand il va, en fait, lui-même, hop, se décaler sur le côté pour passer au milieu de la foule. Ça, c'est de l'animation procédurale parce que c'est pas calculé à l'avance. C'est le personnage qui se dit, ah oui, il y a ça, donc je déclenche mon script. Il y a tout un tas d'autres exemples. Ubisoft, ils ont fait un jeu qui s'appelle Grow Home, qui était suivi par Grow Up. C'est que basé sur l'animation procédurale d'un petit robot qui doit faire pousser un haricot magique, qui est exceptionnel. Je vous conseille ces deux jeux qui sont très très cool. Et là, en fait, ils ont utilisé l'animation procédurale pour que les bras, les membres se déplacent un peu et réagissent à leur environnement. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont, par exemple, essayer d'attraper une caisse, il y a toute une séquence où tu dois soulever une caisse en feu et la faire passer par-dessus des jets d'eau. Tu vois les petits bras qui essayent de se tendre naturellement et ça donne un côté très vivant, organique, autonome à cette créature qui est pourtant une horreur absolue. Et si tu tombes de haut, t'as des petits membres qui partent, tu vois, du bas, qui continuent de bouger par terre. Et puis même, franchement, nous faire jouer ça, quand même. Quand t'arrives devant ce truc là, que tu rentres, tu vois le blob, tu dis c'est quoi cette horreur, je vais peut-être la libérer, et le truc il t'aspire. Non, tu y vas dedans, volontairement. Et ça y est, tu deviens ça. Mais dans le jeu vidéo, à quel moment on vous fait jouer ça? Enfin, quel jeu vous fait jouer une espèce d'amalgame de chair dégueulasse? À part Katamari, tu vois, je vois pas. Ouais, non, mais c'est vrai. Encore, tu pousses le blob, tu vois, dans Katamari. Ouais, tu pousserais le blob, mais là, ouais, c'est ça, tu joues c'est le... C'est une surprise incroyable, quoi, vraiment. Il y a une vraie attente aussi au moment où t'arrives au blob, parce que t'as un vrai... Alors, c'est pas vraiment foreshadowing, je dirais, dans c'est du build-up, mais... quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et parce qu'en fait tu commences au début, donc t'es en dehors de ce complexe et tu vois des gens en fait qui courent vers ce complexe, des humains pour le coup qui courent, et tu les vois de loin, ils sont vraiment, ils se dépêchent et tout, tu sais pas trop ce qui se passe. Et pour une fois ils essaient pas de tuer. Ouais, c'est ça. Apparemment il y a un truc à voir dans ce dôme. Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite tu rentres dans le dôme et tu vois des t'as un téléphone qui pend, tu vois, comme si quelqu'un était en plein milieu d'une conversation et était parti en courant. Tu vois des sortes de vivariums où t'as des expériences à l'intérieur mais qui sont complètement abandonnées en fait. Tu sens que normalement il y a des scientifiques autour, il y a plus personne, et toi tu te rapproches, tu continues de voir des gens qui courent. T'as un mec à un moment qui court à côté de toi et il te regarde un peu, genre c'est quoi ce gamin? C'est quoi ce gamin qui voilà, mais enfin, je m'en fous, j'ai plus important à faire que de m'attarder sur ce truc qu'on course depuis le début du jeu, tu vois, tu dis bah c'est la première fois que je suis pas la priorité du jeu, et puis t'as tous ces gens qui sont amassés contre un dôme en verre, et toi tu vois pas ce qu'il y a, c'est hors champ, tu vois. Oui, c'est terrible parce qu'il y a le personnage, lui il le verrait a priori parce qu'il voit dans la vitre, mais toi en tant que joueur tu le vois pas, tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a dans ce machin. Tu vois les mecs qui arrivent en transpalette et tout, enfin ils ont pris tout ce qu'il y a, une petite voiture de golf, ils font genre ils ont pris le premier truc le plus rapide qu'ils pouvaient, et toi tu vois pas, quoi, c'est vraiment... Et c'est fort parce que bon, on a pas trop parlé, mais Inside c'est un jeu qui, en tout cas moi en fait, le jeu dans le jeu, c'est-à-dire le truc le plus ludique dans Inside, c'est ta curiosité et le fait qu'il t'agite toujours des petits éléments, des petits symboles, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire. Enfin, quand tu vois les drones tu dis ok, d'accord, quand tu commences à voir les sirènes tu fais mais qu'est-ce qui se passe dans ce truc là après t'arrives dans le laboratoire, tu vois des amas de chair qui sont pendus à l'envers dans l'eau, mais tu dis mais qu'est-ce que ce bordel, et après t'arrives devant ce dôme et tu dis mais elle est là, la réponse elle est là-dedans, je veux voir ce qu'il y a, et tu joues après ce truc là mais c'est fou. Et y a pas eu d'initiation à ça, c'est vraiment, t'arrives, ok, bon, tu vois, t'as une phase un peu, tu fais ok, donc c'était ça. Et puis tu rentres dedans, tu pètes la vie, tu fais, bah c'est parti quoi, c'est vraiment... Ouais, ouais, c'est ça, c'est... Il y a vraiment un moment où ça snap dans le cerveau, tu te dis, mais bon, en fait, on s'en fout, on y va, parce que là, ça y est, en fait, j'ai les moyens de me barrer, ça y est, j'ai les outils à la disposition. Et en permanence, le jeu, du coup, il te met face à des trucs que tu peux pas comprendre. Et ça, c'est vraiment sa force. Et ça peut être vu comme une faiblesse éventuellement, mais ce qu'ils essayent de faire, c'est d'être tout le temps dans la suggestion, mais de trucs qui n'ont pas de lien, qui ne sont pas cohérents et qui a priori aboutissent à rien. Tu vois, c'est comme s'ils te mettaient tout un tas de pistes et au bout de la piste, il y a juste une petite boîte avec un petit diable qui sort et qui fait il n'y a rien du tout. La tête de Arne Jensen. ouais, qui sort, genre tu croyais quoi? Ou alors, il y a des petites boîtes à la fin, il y a Peter Molineux à l'intérieur, tu vois, merde. Non, mais en fait, disons que le jeu évoque plein de pistes. C'est-à-dire que quand tu commences, moi, je voyais les bestioles qui se faisaient un peu embarquer, je commence à penser un peu au low-cost. En plus, il y a un train à un moment qui passe avec plein de gens. Oui, t'as clairement la déportation. Voilà, si tu te dis, ok, c'est la déportation, ça marche. Ensuite, t'as les drones, tu fais, bon, pourquoi pas, on part dans un délire. Tu vois le cochon d'abord. Tu vois d'abord le ouais, t'as le cochon qui te poursuit. Enfin, c'est juste un instant qui est. Mais. Moi, quand je l'ai revu et que je me suis rappelé ces putains de vers qui te contrôlent dans Limbo et qui font chier là... Oui, c'est ça. T'es hein, là, c'est totalement putain, ça. Mais en fait, ça peut... Il y a des liens entre les deux univers qui sont assez évidents, quoi. Mais tu vois, ouais, les fermes abandonnées, à un moment, tu sautes, tu tombes dans une espèce de chariot de cochons morts, donc ça rappelle un peu, c'est pas une maladie, la famine... Des expériences sur quelque chose, puisque les cochons, c'est quand même souvent sur, sur eux qu'on fait même des même si à ce moment du jeu, tu sais pas, t'es toujours dans cette image de la déportation, de la guerre ou de l'après-guerre, tu sais pas trop. Ouais, t'as pas encore vu de labo ni quoi que ce soit, tu sais pas vraiment ce qui se passe. T'as croisé un champ de maïs, donc en plus, même au niveau de l'époque, t'es pas encore complètement calé. Tu vois, parce que l'usine en plus elle a pas un design très moderne, on est quand même dans des usines des années 50-60 avec des trucs très anguleux, donc en fait t'as pas vraiment de cadre historique qui est placé, et d'un coup pouf tu vas avoir de la technologie un peu fifou avec le petit submersible que tu contrôles qui est vraiment très fort, qui peut casser les murs etc, et bon évidemment c'est le moment où t'as cette séquence, on en a pas parlé, où tu découvres la sirène, parce qu'en fait quand t'es dans le petit submersible, t'es dans l'eau, donc bon, en général dans l'eau il y a pas beaucoup de lumière, et tu contrôles juste le petit rayon de lumière, la petite torche de truc. Et à un moment, tu le lèves et là, tu vois cette petite créature. Alors moi, j'ai toujours dit que c'était une petite gamine, je sais pas pourquoi, mais qui a une chevelure ultra longue et qui est vraiment animée parfaitement. Tu vois bien que t'es sous l'eau. Enfin, c'est magnifique cette séquence. Et qui est terrifiante en plus comme créature. Bah, au début, tu sais pas. T'as une espèce de rencontre entre les deux. Non, mais au début, pendant. Ça fait penser un peu à la gamine. The Grudge. Voilà. Ouais. Ça fait penser à The Ring. Ça fait penser à voilà. Ça te rappelle pas mal de trucs, mais. Pendant un instant, tu vois, une fraction de seconde, il n'y a pas vraiment d'agressivité entre les deux. Quoi. Et certes, il est avec son petit bâton. Oh là là, mais que les mignonnes. Mais c'est dans le doute, tu sais, tu te dis, tu vas peut-être essayer de la toucher. Et là, une heure qu'on essaie de le zigouiller, tu vois. Et il croit encore. Dans l'eau et il se dit, c'est bon d'aller. Parce que c'est un enfant. Mais si tu l'as dit, c'était magnifique. Mais non, mais attendez, parce que ça, c'est très important. Pourquoi ça fonctionne aussi bien aussi Inside? C'est parce que tu joues un môme, si tu joues un adulte, ça aurait pas eu autant d'effet. Parce que l'empathie, n'importe quel âge que tu vas avoir, enfin en général t'es plutôt un adulte quand tu vas jouer Inside, l'empathie pour les enfants va être beaucoup plus forte que si tu joues un adulte, et donc ce sentiment de déportation etc, il est exacerbé par le fait que tu joues un môme, donc toi naturellement tu vas dire où sont ses parents, pourquoi il est tout seul, comment ça se fait qu'il la est là, la liste de Schindler, tu vois, c'est ça, on y est quoi, on est parti là dedans et donc quand moi je vois des adultes je me dis danger, et là je vois une gamine sous l'eau et je me suis dit, bah, peut-être ça va être une alliée, peut-être ça va partir dans un truc direct. Et en fait, non, elle essaye de casser la vitre et de te tuer. D'ailleurs, elle sera alliée, oui et non, puisque c'est elle qui va te permettre, du coup, pour la suite, elle va te. En tout cas, elle te tue. Elle et... ou une autre, on oui, sait pas. Oui, on sait pas, vraiment, on sait pas s'il y en a plusieurs. Ouais. Bon, de toute façon, en fait, le truc, c'est. Et faut quand même qu'on commence à en parler, c'est que toutes ces pistes-là. C'est difficile de vraiment se figurer ce qui se passe dans Inside. Moi, je pense qu'ils en ont joué parce qu'ils avaient envie qu'il y ait plein de théories. Enfin, si vous passez sur Internet et vous la tapez Inside Explained, vous allez avoir des quintaux de trucs plus ou moins expliqués. Parce que justement, bah voilà, il y a cette exploitation, il y a cette déportation. Tu peux dire, bah c'est l'exploitation ouvrière, ou tu peux dire, bah c'est des mecs qui font des modifications génétiques, ou alors il y a plein de petites choses en fait auxquelles tu peux te raccrocher. Et tu peux dire, ok, ça parle de ça, ça parle de ça, ça parle de ça. Mais nous, finalement, ce qu'on en a vraiment tiré de tout ce projet-là, c'est l'idée de contrôle. Et là, cette idée-là, elle se retrouve en fait dans toutes les strates, dans toutes les lectures, en fait, tous les niveaux de lecture que tu peux faire du jeu. Parmi tous les points d'interrogation, il y en a que tu peux relier un petit peu. C'est ça, exactement. Ouais, parce que dans les théories rigolotes, moi j'avais quand même envie d'en parler. Alors il y en a une que je trouve pas mal où ils expliquent qu'en fait le môme représente un cancer, oui, une cellule cancéreuse, et que du coup le reste du jeu est un corps humain, ouais, c'est et des que anticorps. Du coup, c'est les anticorps qui essayent de te faire, tu sais, c'est une espèce de version crado de Il était une fois la vie, sauf qu'au lieu de jouer, tu vois, métro et tout ça, tu joues ce petit gamin qui a un cancer, et donc à la fin, le blob, bah, tu vois, c'est un peu la réalisation du cancer, et le corps essaye de t'expulser, en fait. Le corps essaye de t'expulser. Donc lui, il l'analyse comme ça, là, le mec sur Reddit, je trouvais ça assez intéressant. Une des rares théories qui explique les shockwaves, qui serait un traitement médical, en fait. Parce que du coup, ça pourrait être la violence de la chimiothérapie. Ouais. Parce que tu sais, c'est des bombardements de radiation. Donc, t'as cette analyse-là. Moi, l'analyse que j'en avais fait à l'époque, c'était de me dire que c'était une critique, en fait, du mass media et de. Tu sais, du. Merde, comment on appelle ça, la pentavision. Enfin, tu sais, les Illuminati. Mais non, pas les Illuminati. Non, mais du monde moderne dans lequel, en fait, on est tout le temps observé, contrôlé, etc. Parce que du coup, t'as des drones, tu vois, c'est un peu les humains qui sont là avec. Tu sais, ça m'a rappelé. Surveillance de masse. Ça m'a rappelé. Ça fait réfléchir. Alors, j'allais plutôt citer Franquin, tu vois, ça m'a rappelé les idées noires quand tu voyais les mecs qui couraient par-dessus les ouvriers, etc. Tu vas retrouver cette idée-là d'une masse complètement informe, complètement déshumanisée, complètement lobotomisée par le pouvoir en place, etc. Donc, moi, j'étais plus dans un propos un peu politique, mais bon, ça, c'est ma sensibilité. Mais justement, je pense qu'on peut tous y trouver quelque chose, en fait. C'est-à-dire que peu importe qui tu es, et peu importe tes références, il y a forcément quelque chose dans Inside qui va pouvoir plus ou moins te parler et dans lequel même tes problématiques actuelles, les réflexions que tu as, politiques, économiques, peu importe, tu vas pouvoir y trouver un petit peu quelque chose de déprimant. Et c'est ça qui est bien. Il n'y a jamais vraiment de notes positives dans le jeu, c'est toujours des trucs de plus en plus déprimants, de plus en plus malaises. Mais tu peux te raccrocher à tellement de petits éléments différents parce que bon bah tu vas avoir les couchons, donc tu sais pas trop, ah ouais, tu te dis bon, ça se trouve c'est l'apocalypse zombie, puis finalement bah d'ailleurs on envoie des zombies, enfin tu vois, tu peux imaginer tellement de choses. Nous, quand on en a discuté, on est tombé d'accord sur l'idée quand même que c'est un jeu qui un peu à la manière de Stanley Parable parle du contrôle à tous les niveaux, puisque du coup ça s'appelle Inside, donc tu es à l'intérieur de quelque chose. Le compositeur, il s'est dit, allons jusqu'au bout, je vais mettre mon micro à l'intérieur d'un crâne humain, parce que pourquoi pas. Et donc toutes les strates, comme tu disais, reprennent cette idée de contrôle, le fait que toi, en tant que joueur, en fait, tu es le pantin des développeurs. C'est la dernière strate. Ouais, alors, je sais pas comment tu veux le présenter. Peu importe, mais c'est vrai que dans le jeu, tu as déjà au début, donc tu as les petits poussins qui commencent un petit peu à te dire, moi je contrôle un petit peu les poussins, ils me suivent. Ensuite, tu as les drones que tu as. Juste avant, tu as le cochon qui est contrôlé par le verre. Du coup, on l'a évoqué sans expliquer, mais cette larve, en fait, qui peut être une référence à Limbo, en fait, dans Limbo, tu as des puzzles, en fait, quand tu passes sous des larves, les larves te tombent dessus et elles te contrôlent, en fait, elles te font marcher, tu peux pas t'arrêter, en fait. Et toi, tu peux juste contrôler gauche, droite ou sauter. Et une fois que t'es. Je crois qu'il faut être à la lumière du soleil pour les faire cramer, un truc comme ça. Mais bref, c'est des larves qui contrôlent un petit peu ton esprit. Et cette larve semble être un petit peu la même que tu retrouves dans le cochon qui le contrôlait lui et te faisait foncer dessus, quoi. D'ailleurs, et tu lui tires des fesses. Un très beau passage, très poétique. Une fois que tu retires la larve, il devient un peu docile et tu t'en sers d'ailleurs, puisque tu vas le tirer lui pour pouvoir monter sur le truc. Et c'est là que tu vas commencer à contrôler les drones. Les petits poussins, après. Les deux images. Non, t'as les premiers drones, vraiment, tu montes sur le cochon et hop, tu contrôles les drones. C'est poussin, cochon et après bim, les drones. Voilà. L'évolution du Camoulox, voilà. C'est poussin, cochon et pouf, les drones. Donc t'as cette idée là, donc effectivement le gamin qui contrôle les drones. Après t'as tout ce questionnement sur le côté, est-ce que le gamin il est contrôlé par le gros blob qui serait en fait une espèce de hive mind en fait, une espèce de truc qui d'ailleurs... Qui l'appelle en fait. Ouais, qui l'appelle. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait une des théories. Ouais, le blob a les capteurs qu'on doit racheter sur la tronche. Sont les casques dont on sert pour contrôler les autres choses. Donc on imagine finalement, est-ce que ce ne serait pas du blob, de cette espèce d'entité, que les scientifiques tirent ce pouvoir-là, finalement, tirent cette technologie de pouvoir contrôler des esprits, ou en tout cas, pas forcément des humains, mais des créatures, on va dire, animées, quoi. Donc il y a cette idée-là de contrôle. Ensuite, il y a l'idée que toi, en tant que joueur, tu contrôles ce personnage. Comme on disait juste par exemple la scène des pantins, on le disait là, les développeurs veulent pas qu'on meure et ils y arrivent, ils nous font faire des mouvements. En plus c'est un peu marrant parce qu'on saute avec les pantins, on est vraiment un peu un pantin pas indirectement, et comme on disait, c'est que là ils veulent pas qu'on meure, ils nous font pas mourir parce qu'ils ont les clés pour tout nous faire comprendre, pour ne pas nous faire mourir, ou à l'inverse parfois nous faire mourir, avec l'exemple par exemple de l'échelle, nous a fait monter, et non, c'est pas la bonne direction, ils ont des outils pour nous contrôler. Exactement. Un petit peu Tout le jeu en fait est considéré, alors l'exemple qu'on connaît tous ça va être Inception, mais on est toujours dans l'idée de mise en abîme sur une mise en abîme sur une mise en abîme, et en fait du coup c'est des boîtes gigogne, tu vas pouvoir ouvrir et à chaque fois tu vas toujours te retrouver avec l'idée de contrôle et l'idée que tu n'as pas vraiment de liberté, puisque on peut très bien imaginer l'élément qui nous fait dire ça, c'est le fameux fameux diorama à la fin. Tu sais, quand tu traverses une dernière, tu traverses une dernière salle vitrée où en fait tu vois la colline que tu vas dévaler quelques secondes plus tard. Et quand tu regardes bien en détail cette colline là, c'est exactement la même et tu as le rayon de lumière qui arrive exactement au même endroit sur la plage et qui en fait te prépare à l'endroit où tu vas arriver. Mais comme tu es en train de, comme tu es dans le côté euphorie du blob et que tu es en train d'avancer le plus vite possible vers la droite, tu t'en rends pas forcément compte. Ça, tu le vois en deuxième lecture. Ouais, c'est ça, cette scène finale qu'on voit, on est sur bord de la page. En fait, elle existe en maquette. Il y a une maquette de cette exacte même plage. Il y a un rayon lumineux pile là où tu as le même endroit. Enfin, c'est vraiment la reproduction. Et donc, bah, forcément, les gens ils commençaient à se dire, bah, en fait, on est toujours à l'intérieur d'un immense complexe et on n'en sort jamais. C'est-à-dire que cette fuite, finalement, nous, on croit, et ça, je trouve ça vraiment très fort parce qu'il y a quand même un espèce de double enjeu. C'est-à-dire qu'à ta première run, toi, tu crois, ça y est, putain, je vais tout péter, ça y est, je sors, je casse tout. Alors qu'en fait, si tu réfléchis bien, en tout cas, c'est une interprétation par rapport à cette petite maquette. Tu dis, en fait, ça se trouve, la fuite, elle est contrôlée. Alors, bien sûr, il y a 2-3 dommages collatéraux et il y a le CEO qui se fait écraser contre une fenêtre. Et fun fact, alors le CEO, si tu restes sans bouger, je l'ai lu en commentaire. Tu n'es pas obligé de le tuer. Effectivement, tu as un choix. Hein, c'est l'arborescence, c'est David Cage. Ouais. Et, mais il meurt dans 99% des cas. Il y a des gugus de toute façon qui perdent leur vie. Oui. Mais finalement, tu te dis, cette fuite, elle est mise en scène parce qu'effectivement, et ça c'est super fort encore une fois sur la puissance de l'animation et de la composition, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le blob il doit attraper une espèce de caisse et toi en tant que joueur ton regard il est focus sur le blob parce que c'est ça l'action. Mais si tu regardes quand tu fais une deuxième fois le jeu, tu te dis en fait t'es dans une espèce d'amphithéâtre et derrière toi il y a plein de gosses qui te regardent en train de faire ça. Et là tu te dis ah ouais d'accord, les mecs ils m'ont un petit peu eu. En fait, jusque là tu pouvais dire qu'ils t'aidaient parce qu'avant ça il y a des employés qui t'ouvrent des portes, qui te donnent des caisses pour appuyer sur les bons boutons et qui te permettent d'avancer, tu dis ah mais il y en a qui mènent, ils veulent que je m'enfuis, ou est-ce qu'ils m'emmènent vers un endroit. Et c'est vrai qu'il y a ce moment où t'es sur une scène, en fait c'est vraiment plus dans une scène noire, je pense, alors je suis pas sûr mais j'ai ça en tête, t'entends les projecteurs qui s'allument, c'est vraiment une scène quoi, et puis t'as une caisse qui est suspendue au bout de ces chaînes et toi t'essaies de le rattraper, tu vois, en plus c'est du Mickey dans le manège quoi, c'est vraiment t'essayes avec tes petits bras de les attraper, et là sous tes pieds en fait il y a une trappe qui s'ouvre et en fait là tu dis ok bon là ça c'est pas pour m'aider, c'est vraiment pour me piéger, ils se sont servis de la pour me piéger, en fait jusque là en fait il m'aidait peut-être pas, il me piégeait. Et comme tu le dis, au fond de ce tableau, au moment où il y a ces petites caisses qui est suspendue au bout du fil avant que la trappe s'ouvre, en fait il y a un public c'est ça. Et c'est ça, donc tu te dis bah encore une fois j'ai l'impression que dans le blob bah tu t'es libéré du contrôle, mais en fait pas du tout puisque vraisemblablement c'était prévu. Ensuite il y a le joueur qui contrôle le personnage et puis il y a le jeu qui te contrôle toi. Et d'ailleurs finalement la petite clé qui nous confirme un petit peu cette interprétation là du jeu, c'est la fin alternative qui est d'ailleurs un petit peu trop cachée, on en avait discuté qui est un peu bizarre. Donc il faut en fait de tout au long du jeu vous avez peut-être de petites diodes que vous pouvez désactiver, et si vous les désactivez toutes au début du jeu dans le champ de maïs, il y a un espèce d'endroit caché hyper planqué qui est hyper planqué. Mais il t'indique que c'est à ce chapitre là je crois du jeu quand même, mais par contre c'est hyper planqué et en plus faut jouer une espèce de mélodie particulière que tu trouves à un autre endroit du jeu, franchement, tout seul c'est enfin je sais pas qui l'a trouvé, GG à lui, mais voilà c'est très très très très caché. Mais par contre ce qui se passe en fait c'est que t'arrives dans une espèce de bureau et tu débranches une grosse prise et en fait le jeu s'arrête et finalement ton perso repasse, tu ne le contrôles plus et tu te dis ok, finalement la seule façon de ne plus être contrôlé par le jeu c'est de ne pas y jouer. C'est un peu genre Wargame, the only way to win the game is not to play the game. Et donc il y a un accent anglais là. Yeah, I'm sorry, welcome to end of the game. Et c'est vrai qu'il y a, c'est cette idée là de contrôle. Moi ce que je trouve finalement très fort avec toute cette idée là, c'est en fait le jeu vidéo, il y a toujours ce fantasme de la liberté, de me dire ah je peux faire un peu ce que je veux. Moi je me souviens toujours de ma prof de marketing, je ressens toujours cette anecdote, qui connaît pas très bien le jeu vidéo et qui te dit dans un jeu vidéo on écrit sa propre histoire. Et pour moi c'est la phrase la plus fausse du monde, c'est à dire que dans un jeu vidéo Ça dépend, mais pour moi, le truc, c'est qu'il y a toujours en fait des gens qui ont pensé ça pour toi et tu évolues finalement toujours dans une marge de manœuvre. Sinon, on n'aurait pas le concept de gameplay émergent, tu vois. Il y a des jeux qui sont pensés pour que tu écrives une certaine partie, mais il y a toujours un plafond de règles. Il y a toujours un plafond de règles que tu ne dépasseras pas. T'as des limites physiques en fait qui sont liées au format du truc. T'es toujours dans des codes, des chiffres, t'as toujours cette espèce de métasphère de programmation et de graphisme. Mais quoi qu'il arrive, le jeu vidéo, c'est quand même un espace dans lequel confiné, mais dans lequel tu as une certaine liberté. Alors c'est une illusion de la liberté, Ça, on est bien d'accord. Mais toi, tu la ressens comme ça. Ah, voilà, c'est ça la force du jeu vidéo, c'est de te faire croire bien que tu es réellement libre. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est ça que je trouve intéressant avec le propos du jeu, c'est que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont envie de me dire. C'est cette petite ironie, en fait, cette douce ironie de dire, bah voilà, tu crois que t'étais, que c'est toi qui contrôlais, et en fait, bah c'est quand même nous les game designers qui font et te font vivre toutes ces émotions. Et ces émotions, bah elles sont réelles, elles sont pas fausses. Hein, c'est quelque chose que tu ressens en toi et à et l'intérieur de toi-même, tout à fait, inside de toi-même. Ta tête. Mais voilà, il y a quand même ce contrôle designer. En vrai. Et on peut se dire, bah, ça n'a pas pissé bien loin comme réflexion. Mais le truc, c'est que c'est tellement bien foutu et bien implémenté en fait, dans toutes les strates du jeu que je trouve que c'est réussi. Et c'est une autre approche, parce que je pense qu'il est, je crois qu'il est sorti après Stanley Parable. Après. Parce que Stanley Parable, il est sur le même propos, mais il te le balance à la gueule en permanence. Donc lui, il le fait de manière humoristique. Eux, ils ont réussi à faire en sorte que le jeu soit déprimant, soit particulièrement grave et forcément te fasse réfléchir. Parce que un des points sur lesquels on s'était un peu pris le bec avant l'émission, c'était sur la pertinence de certains éléments auxquels tu peux te raccrocher. Mais je pense que ils en ont mis tellement, il y a tellement un nuage de propositions auxquelles tu peux essayer de t'accrocher pour trouver une histoire ou tirer une petite ficelle, comme je disais tout à l'heure, et au bout t'as ta boîte avec le petit diable, que en fait ils essayent de toucher ce côté un peu universel du peu importe qui vous êtes, vous allez trouver une référence, soit à votre passé, comme tu disais, ce que vous vivez en ce moment, votre contexte, votre culture, votre sensibilité politique, votre sensibilité religieuse, spirituelle, ce que tu veux. Vous allez trouver quelque chose qui va vous parler, et c'est pour ça qu'ils en ont mis autant, en se disant, vous allez forcément trouver chaussure à votre pied, tu vois. Mais c'est quand même nous qui contrôlons tout à la fin. Ouais, en tout cas, faut pas trop se prendre la tête. C'est important de pas trop intellectualiser le truc. Sans vouloir taper sur les gens qui vont vouloir tout expliquer, ça peut être un exercice intéressant, sympa et un peu convivial, mais faut pas le prendre trop au sérieux, en fait. Faut pas se dire, j'ai la réponse qui explique ça, ça, ça, et tu sens qu'ils te font rentrer des ça au chausse-pied, en plus, c'est juste, ça marche parce que tu peux pas prouver le contraire. Faut pas trop tenter de tout expliquer. Disons que c'est pas un jeu qui va te donner cette espèce de satisfaction qui est profondément humaine, hein, c'est de comprendre les choses, tu vois, de te dire, ok, il y a une réponse, tu vois. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une personne derrière, en fait. Oui, bien sûr, mais c'est ça. Mais après, tu vois, même dans les interviews, ils en jouent, tu vois. Ils disent, pas s'il y a un Tiensen lui-même, il sait vraiment. Il n'a pas donné le vrai texte, tu vois. Mais je pense qu'il y a cette volonté de faire quelque chose d'un petit peu abstrait. Et je pense que le jeu, il a quelque chose d'assez sensoriel, d'assez chimique, et qui fait que, bah déjà, si tu rentres pas dedans, si ce délire ça te parle pas, tu peux le rejeter un peu en bloc. Mais ils ont tout mis en place pour que ça fonctionne auprès d'un maximum de gens. On a reparlé les animations, le côté assez réaliste de certains éclairages, où tu te sens tout de suite projeté dans un univers qui t'intrigue. Et justement, on parlait de l'idée de contrôle, et eux te contrôlent, et donc le fait que, ce qu'on peut en dire également, le fait qu'on n'arrive pas à trouver une explication, c'est qu'il faut que nous, joueurs, en fait, on accepte de leur laisser le contrôle. C'est ça, en fait, aussi, le jeu vidéo. C'est que le jeu vidéo, c'est une histoire de... Donc, il y a cette fameuse suspension d'incrédulité, là, qui est un concept qui date de quelques siècles, où, en fait, le joueur, quand on se balade dans un espace fictif, ça marche pas que pour le jeu vidéo, hein, c'est le cinéma, le livre, la littérature, enfin, tout ce que vous voulez, on va accepter que certaines choses se passent de manière pas tout à fait cohérente, parce que on considère qu'on est dans un espace de fiction et que dans cet espace on accepte un peu tout ce qu'on veut pour pouvoir vivre le récit, et en tout cas nous en tant qu'être humain, tu vois, se sentir un peu, ressentir l'empathie, faire de la catharsis, etc., etc. Bref. Et donc, moi, ce que j'en retiens de cette histoire-là, c'est que comme eux, ils te parlent de contrôle en permanence, eux, ils t'expliquent que comme l'histoire, tu ne vas jamais la comprendre, il faudra que, ultimement, en tant que joueur, tu acceptes de leur lâcher le truc et que ça soit eux qui te dirigent. Et ça, je trouve que c'est vraiment une réflexion sur ce qu'est le jeu vidéo en tant que média qui est vraiment intéressante et qui montre que les mecs, bah oui, il fallait 5 ans pour arriver à un truc de 2h30 parce qu'en fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Là, on est vraiment dans une approche un peu, on va dire, à la Jonathan Blow, un peu vraiment jusqu'au boutiste du moindre élément pour tout contrôler. Et je pense que vous aviez compris à travers tout ce qu'on a dit que personnellement c'est un des jeux que je trouve le plus réussi de ces dernières années, et je trouve ça génial tout le propos que tu peux décoder, où tu peux essayer de comprendre ce qu'ils essayent de te suggérer tout au long par rapport à cette idée de contrôle et de le lâcher prise. C'est marrant de les imaginer se dire on va faire un truc sur le contrôle et tout, parce qu'en fait c'est un peu nous, tu vois, les marionnettistes, en fait les vrais marionnettistes c'est les designers qui vont faire danser le joueur, et j'imagine le mec qui se dit, tu sais quoi, on va vraiment faire une vraie scène où on suspend une petite caisse au bout d'un fil devant un public dans un amphithéâtre. C'est vraiment, là il n'y a pas plus clair, quoi. Mais c'est ça, enfin je vais leur raconter encore mon histoire, mais quand j'étais au Danemark, il y a un humour danois un peu particulier, et je sais pas, moi je trouve qu'Inside c'est vraiment ça, en fait. Il y a un film, je vous conseille, qui s'appelle Flickering Lights, qui est un jeu, qui est un film, pardon, danois, avec Mads Mikkelsen, hein, vous pouvez pas le louper, c'est forcément un film danois. Et en fait, il y a une espèce d'humour particulier dans ce film. Est-ce qu'il y a Kojima? Non, il n'y a pas Kojima. Ah bon, bah non, alors. Mais, et bref, il y a une espèce d'humour danois, et je trouve que le jeu, en fait, j'adore le, enfin, il a ce côté à la fois hyper déprimant, hyper glauque et tout, mais en fait, si tu peux y réfléchir, il est drôle à plein de niveaux, et je pense que c'est ça que j'aime particulièrement dans ce jeu, cette espèce de noirceur, mais à la fois, il y a cette espèce de truc, bah, très cynique, finalement. C'est un jeu qui est assez cynique, il y a ce cynisme un peu derrière. Alors bon, je sais que le cynisme, c'est pas toujours bien, mais voilà, le jeu, il cristallise très bien cette idée-là, je trouve. Clairement, il n'y a aucun optimisme, parce que même la scène de fin, on pourrait se dire, bah, on est en bord de la plage, on est sorti du truc, et en fait, si t'as regardé avant, il y a cette maquette qui est dans le labo, tu dis, ah, en fait, tout était prévu, donc je suis même pas, en fait, libre. À aucun moment, ouais, t'es libre. Sorti, ouais. Les arbres, ils font un peu faux, ils font un peu factice. Ouais, oui, c'est un décor de cinéma, limite. Ouais, ouais. Puis t'as pas arrêté de t'enfoncer au fil du jeu, donc a priori, t'es pas au niveau de la mer aussi. Oui, tu sais pas trop, c'est ça, c'est qu'ils te font perdre au niveau, ils c'est te font perdre ça, l'idée tes des repères, échelles. Ils te font complètement perdre tes repères sensoriels pour te faire croire que, puis en fait, ben non. Jamais tu ne sauras pas ce qui se passe dans Inside. Donc un jeu profondément déprimant quand même. Ouais, moi, pour moi c'est vraiment la machine à laver dépressive, tu vois, peu importe qui tu es, on te met dedans, on met le programme et c'est bon, 2 heures plus tard tu ressors, t'es déprimé, tu vois. Mais... parles du Danemark ou du jeu? Du Danemark aussi, franchement, c'est l'enfer. non, c'est pas vrai. Mais est-ce que... En fait, Inside, pourquoi le trouve? Il n'y a pas d'autres jeux, en fait, comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu le pendant maléfique de Journey, en fait. Mais il n'y a pas trop d'autres jeux qui sont comme ça. Et puis, de toute façon, qui ont les moyens financiers et techniques pour se concentrer sur une expérience comme ça. Parce qu'un AAA, il ne peut pas faire un jeu de 2h30. Ce n'est pas possible aujourd'hui dans les conventions actuelles. Et là, ils font vraiment... Il n'y a que eux, en fait, qui font ce type d'expérience, pardon. Et c'est pour ça... Bah, je suis assez impatient de voir, la suite, leur prochain projet. Alors, c'est vrai que là, il y a eu un petit split entre Antiensen et Dinopathy. Donc, voilà, je pense que c'est des raisons personnelles. Et l'argent, évidemment, puisque ça pourrit les gens, vous le savez. Mais ils vont se lancer sur un nouveau truc et je suis assez impatient de voir ce que ils en ont déjà un tout petit peu parlé. Ouais, donc, on sait que ça sera un jeu en 3D. Tout à ils fait, ont dit ouais. qu'ils, ça, voilà, c'est bon, hein. Ils ont fait le tour de la 2D. Bon, en même temps, ils maîtrisent, ouais. Je veux dire, je pense que ouais, là, clairement. Quand tu vois les, je vais revenir toujours sur les jeux de caméra, les rendus graphiques, etc., les animations, je pense qu'en 2D, c'est bon, ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire. La 3D, c'est une autre paire de manches parce que s'ils veulent arriver à ce niveau de contrôle là, ça va être assez complexe. Maintenant, vu qu'on a quand même eu une espèce d'évolution assez rectiligne entre Limbo et Inside, même si le fossé il est gigantesque, est-ce qu'on va rester dans ce, comme tu disais, cette espèce de cynisme et de déprime? Dit, lui, apparemment, il l'a dit, ouais. Ouais, on va rester un peu dans, on va rester dans la mélancolie. Bah, écoute, hein. Moi je suis curieux parce que l'avantage c'est que c'est un jeu vidéo donc ça n'a pas vraiment d'impact après. J'ai fini le jeu et j'étais juste soufflé. Et évidemment, si pareil, à moi ça m'arrivait oui, une vrai. Seconde, tu vois, je suis pas déprimé pour de vrai. C'est juste que ça te met dans un mood qui est très. C'est pas cool quoi, tu te sens pas très bien, t'es pas dans. Ouais, c'est ça, t'es pas dans. Ah, moi j'adore y retourner, moi je peux le relancer, je suis content, franchement, moi c'est un jeu qui me donne de la joie. Hein. Bah, moi c'est l'animation, tu vois, c'est vraiment un truc, l'animation, moi qui est. C'est mon violon dingue dans le jeu vidéo, c'est vraiment le truc sur lequel vous mettez des bonnes animations, je suis fan, et c'est tellement agréable, c'est tellement plaisant, manette en main, ce qu'on appelle le game feel là, qui est un truc un peu éthéré, un peu abstrait. Eux, ils maîtrisent à fond, c'est génial ce qu'ils arrivent à faire. C'est vrai que ça va être un challenge très intéressant, parce que là, on était face à une vraie maîtrise de tous les outils dont ils disposaient dans cette 2,5D. Et là, 3D, ne serait-ce que la notion... Enfin, elle existe déjà, mais la notion de level design, elle est très différente, pour le coup. Ouais, et puis du coup, là, c'est le joueur qui contrôle la caméra, en général, en 3D, sauf s'ils font un choix à la Resident Evil ou un truc comme ça. Mais... en général, le fait que tu puisses contrôler la caméra t'apporte une strate supplémentaire d'immersion et de sensation de liberté. Donc peut-être qu'ils vont jouer également sur ça maintenant, on ne sait pas. Ils peuvent très bien jouer sur les champs hors champs, ce genre de choses-là. Enfin, il y a tout un tas de... On peut imaginer des tonnes et des tonnes de choses. Il peut faire des niveaux assez resserrés à la... je pense Brothers, tu vois, c'est assez petit ce que tu peux faire concrètement. Et c'est aussi des jeux où l'interaction est assez limitée. Ils peuvent rester dans du assez restreint et contrôlé quand même. Je pense qu'ils ont les moyens de nous... Enfin, voilà, moi je vais être gentiment optimiste, mais je serais pas surpris qu'ils fassent quelque chose d'un peu beaucoup plus ambitieux, parce qu'en termes de finances, maintenant, ils ont les moyens, tout simplement, en fait. Hein. Ils ont vraiment, quand ils se sont séparés, Patty, il est parti avec quasiment 7 millions de dollars. Ouais. Et tu te dis, ils ont fait Limbo, les loulous, là. Donc, en fait, s'ils peuvent se permettre de lui payer ses parts et de le faire partir et de continuer quand même les projets... ça va. Niveau liquidité, à mon avis, je m'inquiète pas pour eux, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir être plus nombreux et continuer à d'apporter cette touche un peu unique, hein, parce que c'est vrai que les jeux Playdead, bah, comme tu l'as dit, on voit pas vraiment ça dans d'autres jeux. Tu vois, il y a EA qui est arrivé avec Unravel, qui a essayé de faire ça. Ouais. C'est nul à chier, hein, on va pas se mentir. C'est, dans le premier Unravel, c'est vraiment une honte, parce qu'ils ont, ils ont essayé de reprendre certains codes de Inside, c'en est tellement évident que c'est limite du plagiat, mais ils ont rien compris à ce qui se passait. Ça marche mieux dans le 2 parce qu'ils sont devenus un peu plus jeux vidéo, donc je vous conseille le 2, il est très sympa. Mais le premier, c'est génial de voir à quel point les gars, ils ont rien compris à ce qui s'est passé dans. Moi, en fait, Playdead, ça me fait penser un petit peu finalement au studio de Fumito Ueda. D'ailleurs, il y a une photo, ils ont mangé ensemble il y a pas si longtemps. Il y a une photo où on voit justement Fumito et Arnt Jensen. Et tu te dis, pour moi, finalement, ils sont dans cette continuité-là. Tu vois, quand tu prends Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, tu sens qu'il y a quelque chose qui lie tous ces jeux, mais ils sont différents. Et moi, je m'attends un petit peu à ça, c'est-à-dire, j'espère que ce sera mieux que The Last Guardian, mais par contre, voilà, je me dis, tant mieux, tu vois, Inside, ça existe, c'est très bien, c'est hyper abouti, maintenant, qu'est-ce qu'ils feront? On verra, pour rebondir sur ce que tu dis avec Fumito Ueda, il y a cette notion de jeu juste, en fait, où il n'y a pas de surplus, comme on disait, Inside, ça dure entre 2 et 3 heures, et du début à la fin, c'est intense, quoi, il n'y a quasiment rien acheté, enfin, même rien acheté. Mais c'est parce qu'ils ont beaucoup jeté. Voilà, j'allais dire, ils ont bien acheté des trucs, pour Limbo, ils avaient jeté genre 70% des puzzles, un truc comme ça. C'est des gens qui n'hésitent pas à tailler dans le gras pour vraiment aller à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils considèrent comme essentiel à l'expérience à la fin. Et ça, c'est dans le jeu vidéo, c'est assez finalement, même si tous les studios cut des trucs. C'est l'idée de design que less is more, tu vois. Moins, c'est plus. Ouais, fait, plus tu vas réduire les choses, meilleur sera le résultat. Le design par la soustraction, exactement. Mais eux, du coup, comme ils ont un propos qu'ils veulent te mettre, du coup, je pense que le fait qu'ils aient choisi un format proche de celui d'un film, puisque ça dure quasiment la même chose, participe encore une fois à cette idée d'universalité qu'ils essayent de poursuivre. Et donc, c'est pour ça que je suis d'autant plus curieux, parce qu'un jeu 3D. En fait, instinctivement, je me dis ça va être un jeu plus long, forcément. Journey, ça dure autant de temps, c'est 3D. Donc ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Contre-exemple, instantané, merci beaucoup. Allez, non, mais non, tant mieux. Non, mais c'est vrai, du coup, c'est bien, j'y avais pas pensé, mais oui, c'est vrai que ça pourrait être ça, donc pourquoi pas. Un Journey, voilà, vraiment le vrai pendant dépressif de Journey, voilà. Moi, c'est bon, je signe, ça marche. Et est-ce qu'on ajoute quelque chose d'autre? Je pense qu'on a à peu près fait le tour. C'est difficile de. On aurait pu passer une heure sur toutes les théories pour expliquer Inside. J'espère que vous n'étiez pas là pour ça, parce que c'est pas ce qu'on avait envie de faire. Vraiment, l'idée c'était vraiment de comprendre tous ces procédés et cette idée du contrôle qui ressort quand même pas mal du jeu. Je m'attends déjà à plein de enfin quelques commentaires YouTube. Mais si en fait c'est ça. Si tu regardes au troisième plan, il y a un mec, il a un truc dans sa poche et. On a eu ça pour on en a un pour Firewatch et un pour The Last of Us. Mais salut. Jusque là, on était un peu débunkés sur certains points. Donc pour discuter, on est là, mais doucement sur les certitudes. Ah ouais, Ouais, non, il y a eu quelques commentaires. C'est normal, c'est toujours des commentaires un peu passionnés de « mais non, mais moi je sais que ça se passe comme ça ». Et il faut aussi comprendre qu'on est dans une espèce de déséquilibre total. Nous, on a le micro, vous avez juste un clavier et vous êtes anonyme sur le net. Donc forcément, on comprend que vous soyez un peu, passionné et qu'il y ait un peu d'affect. Mais n'hésitez pas, nous on sera contents d'écouter vos théories et d'en discuter avec vous. Donc on sera toujours prêt à entendre et à se dire « peut-être qu'on s'est planté ». Nous, on n'est pas en train de dire « on amène la vérité ni quoi que ce soit ». On décortique des jeux vidéo avec ce qu'on en sait, nous, du média, surtout qu'en professionnel plus, du truc, en vrai, c'est un jeu qui, de toute façon, volontairement laisse place à l'interprétation et à votre imagination, donc toutes les théories peuvent être valables. Moi, ce truc-là sur le cancer, je ne connaissais pas du tout, ça se tient, et c'est vrai que si tu le ressens comme ça, personnellement, complètement, c'est super intéressant. Voilà. Oui, ça reste des interprétations, surtout dans le cas d'Inside, où il n'y a pas vraiment de fait. De fact, effectivement. Ouais. Mais c'est un putain de chef-d'œuvre, donc si vous avez écouté l'émission sans avoir fait le jeu, j'espère que vous êtes en train de le faire maintenant, et puis sinon, refaites-le, faites jouer des gens autour de vous qui ne jouent pas trop aux jeux vidéo, parce que je maintiens cette idée que ça fait partie de ces rares titres qui sont des vraies portes, tu vois, des ambassadeurs du média jeu vidéo, pas dans le côté ludique du truc, mais dans le côté vraiment sensoriel de ce que tu peux ressentir quand tu joues à un jeu. Inside, c'est parfait pour ça. Très bien, merci messieurs. On se retrouve dans 2 semaines, évidemment, pour un nouvel épisode de Fin du Game, et on va se faire plaisir, je vais pas vous teaser, est-ce qu'on dit de quoi on va parler? Non, on le dit toujours pas. On dira... On en parlera peut-être sur les réseaux sociaux. On en parlera. Se faire plaisir, c'est pas vraiment le terme que j'aurais utilisé. On n'a pas encore décidé si on allait annoncer d'une manière ou d'une autre les futurs jeux, parce que certaines personnes, ça leur fera peut-être plaisir de savoir. Oui, et d'autres ça non. Peut être une question qu'on peut poser d'ailleurs. Ouais. Si vous êtes encore là en train de nous écouter, et oui, merci voilà, déjà. déjà merci. Et surtout, dites-nous si vous avez envie de savoir à l'avance de quoi on va parler, parce que nous, on a une liste, on est obligé de voir un petit peu à l'avance. Et si, est-ce que vous voulez savoir peut-être un ou deux épisodes à l'avance pour, je sais pas, si vous avez envie de faire le jeu, ça peut être une idée. Mais ou alors, est-ce que vous préférez la surprise? Je suis sûr qu'on va avoir un 50-50, donc on va bien rigoler. Non, mais du coup, ça s'inscrit dans ce qu'on disait au début sur l'idée peut-être d'avoir un serveur Discord ou quoi, parce qu'on pourrait très bien choisir de limiter genre les gens qui acceptent de se spoil jusqu'au bout, tu vois, et ceux qui acceptent pas de se spoil jusqu'au bout. Et du coup, on pourrait compartimenter l'information pour que les gens qui ont envie de savoir de quoi on parle la prochaine fois, parce que comme tu l'as dit, nous on n'a pas forcément joué à tous les jeux dont on parle. Là, God of War, t'avais dû le faire, t'avais dû faire. Oui, c'est ça. C'est au moment où on a prévu d'en parler. J'ai déjà joué à d'autres jeux dont on parlera d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et donc forcément, on est obligé d'avoir un planning un peu en avance, surtout qu'en plus, même s'il n'y a pas une logique, il n'y a pas un mastermind incroyable sur la suite, saison 1. Il n'y a pas encore d'idée. Peut-être que ça viendra au fur et à mesure, quand nous, on commencera à pouvoir prendre plus de temps sur l'intégralité de l'émission, d'essayer justement d'avoir un fil rouge tout au long des épisodes. Ça serait intéressant de réfléchir là-dessus. Mais dans tous les cas, dites-nous ce qu'il en est. Alors, Twitter... Facebook, on a créé une page, mais je sais pas pourquoi en fait. On y va jamais. Mais bon, si vous écoutez ce podcast, vous devez pouvoir Vous pouvez pouvoir nous le dire. Sinon, il y a pas mal de monde qui est sur mon Discord à moi, votre Discord à vous. Enfin voilà. Et un jour ou l'autre, on aura le nôtre, tu vois, celui de la fin du game. Grâce à vous qui nous écoutez. Donc merci, des bisous. Merci beaucoup. Ciao. Salut.